vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Myriam Fugas sera en pleine dépression saisonnière dans sa chronique aléatoire. Et on parle d'un financeur avec Yann Martel. Yann Martel! Assemblage requis maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce mercredi 9 novembre 2011, une autre toute nouvelle édition. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, bon matin à vous. Bon matin, tout le monde. Bon matin, Marissi. Hey, hein? Une chance, on commence pas l'émission demain matin et matin. Je me taperais dans ses nerfs moi-même. On pourrait faire une dépression saisonnière. Là, ah, ben tout à fait. Que... Tout à fait. Ah, ça va être intéressant? Oui. La ligne de Myriam. J'ai hâte de voir comment elle va apporter ça. Quand elle m'a demandé sur Facebook, est-ce que c'est correct si je parle de ça? C'est comme si j'allais approuver tes sujets à l'avance, madame. C'est comme parle de ce que tu veux, chose. Parle-nous de ta vie, t'sais. C'est ça, t'sais. Tranche de vie, Nutella sur un dashboard, là, comme elle nous a déjà parlé. Non, j'ai dit, OK, ben, j'imagine que tu peux parler de ça. Ouais, j'ai bien hâte d'entendre ça, là. Là elle a dit, hey, inquiète-toi pas, m'a t'amené ça d'une manière différente. Ah, j'en doute pas, c'est Myriam, hein? Non, oui, oui, c'est tout le temps bon, sacré. Toujours. Bon. Ouais. Ben, il faut pas le dire trop fort. Ben, c'est ça. Toi, évidemment, quand c'est une fille, tu peux pas juste avoir un compliment, il faut aussi que tu la pines à quelque part, là. T'sais. Ben, t'sais, écoute. Écoute, on se cache pas qu'ils seront pas au même niveau. C'est pas vrai, appelez-moi pas, envoyez-moi pas de courriel. C'est une blague. DG, c'est fou. C'est une blague. @MathieuPlante.com. Ah, ça doit être ça, ça doit être ça. Hey, j'ai même pas l'adresse MathieuPlante.com. Non? Non, c'est un genre de photographe, je pense, qui a ça. Ouais, non, il y a beaucoup de Mathieu Plante à Trois-Rivières, en Mauricie, en tout cas. Là. Qu'est-ce que c'est? Tu Trois-Rivières, lui aussi? Cap-Madeleine, je pense. Mais en tout cas, il y en a plusieurs dans le coin. Mais non. Oh, ouais. MathieuPlante.com, le gars, il reste au Cap d'Avignon. Je suis pas sûr là, de ce que j'avance, mais en tout cas, je sais qu'il y en a un. MathieuPlante.com, bienvenue sur votre nouvel espace d'hébergement, MathieuPlante.com. Il a fermé son site, il a fait faillite. Tu pourrais le racheter? Ben, peut-être. Mais c'est que le vrai Mathieu Plante, il est trop populaire. Le ça a fait vrai. Fermer son. Le vrai. Oh. Le seul! Allez-vous entendre ça, mesdames? Mesdames. Le seul et l'unique Mathieu Plante. Sur MySpace, mon nom d'usager, c'était le Mathieu Plante. Ah ouais? Le. De. Ah, ça. Exactement. Hey. Yann Martel. Ah, ben oui, le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Il nous parle d'aide financière. Et puis, il va nous parler d'un prêt qui existe pour ordinateur, du programme de l'aide financière et des changements que le ministère de l'Éducation, de loisirs et du sport y apportera l'an prochain. Donc, voilà. Bon, ça va être intéressant. 8h30, ça. Hein? Oui, exactement. Avant ça, à 8h, on a Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire. Hein? À chaque semaine, un sujet des plus hétéroclites et éclectiques. Dépression saisonnière. Dépression saisonnière. Je sais pas pourquoi. Hein? Je sais pas non plus. Est-ce qu'il va y avoir des solutions contre ça, genre comment contrer la dépression? Je suis sûr que oui. Sûrement. Je suis sûr que oui, et la luminothérapie va en faire partie. Ah, je pense que sûrement que son truc, ça doit être genre se trouver une Myriam Fugère. Parce qu'elle est tellement lumineuse et ensoleillée! Non? Oh boy! Je sais pas quoi te dire à ça. C'est une belle déclaration, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que Mathieu Plante est en amour. La la la la la. La la la. La la la. Ouais. Bon, ben. C'est ça. Sinon, on va aussi avoir la chronique des nouvelles geeks, CNX. Hein? Mm-hmm. Et c'est un fait. Mm-hmm. Oh, ouais. Hein, on se gâte aujourd'hui, hein? Dans ta face? Ben, c'est ça. Ça va être à peu près là que ça va se situer. Dans votre face. Dans vos oreilles. Sur les côtés, c'est ça? Mm. J'allais dire sur les côtés, vers le haut, trois quarts à peu près de la hauteur, je dirais. Trois quarts? Ben, c'est pas à moi. Ah, t'as raison, c'est plus à moitié. Sinon, c'est ouais. Haut. Même, je dirais peut-être qu'ils sont un peu plus beaux, mais c'est peut-être tes cheveux. Ah, je sais pas. J'avoue, mes cheveux sont pas mal hauts aujourd'hui. Hein? Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là. Ils sont pas intéressés à se faire coiffer aujourd'hui. Hein? Non. Non. T'es-tu huilé ça comme fou? Oh, Mathieu Plante. Ouais, c'est ça. Arrête donc. Arrête donc. Souris, là. Bon, bon, c'est mieux. Merci. C'est ça. Comment sourire quand ta voisine fait du lavage à 6h30 le matin? On voudrait la remercier de réveiller Mathieu Plante à chaque matin. Ben, fine, écoute, hein? Moi, sincèrement, elle me dérange pas. Non, je sais. Mais comment, pourquoi tu ferais, tu sais, mettons, du lavage 3 fois par jour, mettons, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi? Mettons. Une théorie, il sort des théories. On aimerait ça sortir des théories, parce que j'aimerais ça comprendre le processus mental. Mais soit que, sincèrement, tu cours après ton temps d'une façon épouvantable. Ouais, t'es vraiment pressé. Puis là, il faut. T'as 150 vêtements à laver dans une semaine, parce que t'en as porté comme à toutes les. Comment tu fais? T'as pas physiquement autant de vêtements pour faire 3 lavages par jour, 7 jours par semaine. Je comprends pas ça. Ça se fait pas. Je sais pas, mais encore là, peut-être que, je sais pas, elle fait le lavage pour ses collègues au travail, je sais pas. Peut-être qu'elle a un uniforme, peut-être, au travail, tu sais. Ouais, il faut qu'elle lave, puis il est jamais assez propre, ça fait que il faut du bleach, puis du... Mais en même temps, je me dis que tu l'aurais vu, son uniforme. Probablement, ce qui est pas le cas, hein. Non. Fait que donc, wik-wik, mentalement, tu sais. Ouais, ça sonne comme ça. Quand tu fais du lavage à 11h le soir, puis à 6h30 le matin, alors que t'es au deuxième étage du bloc appartement, quelque chose qui marche pas là-dedans, tu sais. T'as jamais appris la vie. Non. Ouais. Pense aux autres. Moi, ouais, c'est ça. Ben, moi, je pense à vous à la maison. Si vous avez des problèmes comme ça, là, je... I feel you. I know what you're talking about. I know you're talking about a girl. About a girl. Une pièce de Winter Love. Non? C'était pour faire un lien vers About a Girl. Oh. Winter Love. 89 FM, c'est Assemblage Rocky. Avec Mathieu Plante. Ah oui, on lave notre linge sale en famille. À 6h30 le matin. Glass, warming white God, Assemblage Requis, c'était Vanessa Parietaire et la pièce Le Reflet. C'est très bon. Ouais. Vanessa Parietaire, c'est ceux qui font la chanson terre. Ben oui, le Wow. T'en connaissais pas, hein? Hey, c'est un remix. Ta voix me fait capoter. Merci. Avec ton petit trémolo, je pense. Trémolo. La la la la la. La la la. Oh, que tu chantes bien. Oui, je chante bien et je connais aussi les technologies. Je connais le chiptune, je pourrais t'en chanter. On aurait dit du Morse. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. C'est peut-être un message que t'essaies de m'envoyer. Ouais. Mange ta main. Hein? Reste poli, là. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Je sais pas à quoi je pense. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux que je parte l'intro? Non? OK. Dans la chronique la plus geek de la radio, ou la chronique qui parle des choses de demain aujourd'hui, ou la chronique qui vous dit que d'aller dehors c'est pour les autres. Hein? On commence avec la télé 3D, François. Tu sais que c'est un échec, ça, la télé 3D? Je pense que tout le monde le sait. Ouais. Ouais. C'est pas, en tout cas, c'est pas le succès qu'on y attendait. Ben voilà. Hein, parce que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas mal la même chose. Sur les 33% de consommateurs envisageant d'acheter un téléviseur HD dans l'année à venir, 55% avouent ne pas être du tout intéressés par la 3D. T'sais, ils veulent acheter un écran 3D, mais ça donne rien. Non, c'est ça. Ça donne à rien. Et ça, quel que soit le type de 3D ou la nature du programme. 40% mettent en cause le manque de contenu. Bon, une affaire. 30% pointent du doigt le problème du port des lunettes 3D. Ben, ça, c'est bon. Ça va avec. Hein. Pourtant, la 3D passive permet de contourner vaguement le problème en améliorant l'accès et le confort général. Reste que ceux qui ont déjà goûté la 3D passive font la fine bouche et jugent la qualité d'image moins bonne qu'en 3D active. Cela dit, cette différence de qualité, seuls les connaisseurs la font. 75% des sondés ne savent absolument pas de quoi on parle quand on les interroge sur le sujet. Si 55% des acheteurs potentiels de téléviseurs n'ont rien à faire de la 3D, il reste quand même 45% d'acheteurs sérieusement intéressés, ce qui est quand même pas si pire. Parmi eux, 22% sont même fermement décidés et 23% se tâtent encore en raison du prix. Si l'écart de prix entre un téléviseur 3D et un modèle standard est minime, alors ils craqueront pour la 3D. Si le prix est pas mal similaire, ouais, s'il n'y a pas de différence. Pourquoi pas? Tu sais, t'apprends, tu te dis peut-être qu'un jour il va se passer quelque chose avec ça. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour les fabricants. Et en ce moment, ils sont pas à la fête avec leur télé, les fabricants de télévision 3D. Je pense qu'ils s'attendaient vraiment à ce que ça fasse une espèce de buzz autour de ça. Hein. En même temps, Caroline. Mais c'est ça, il n'y a pas de matériel pour ça. Et puis les lunettes, je m'excuse, mais c'est comme très poche. C'est pas confortable. C'est laid. D'autant plus si tu portes des lunettes. Oui, c'est ça. Et là, il faut que tu aies des lunettes qui fitent par-dessus tes lunettes normales. Exactement. C'était chez vous. Là. T'as-tu pas le goût de... Tu veux pas te casser la tête. Là. Ouais. Mais de la 3D sans lunettes, c'est ça. On dit que la qualité est peut-être moins bonne. Mais bon, en même temps, est-ce que t'as vraiment... Je sais pas. Mais tu sais... Parce que je veux pas comparer ça à la télé. Tu disais quoi? 3D, qualité moins bonne? La 3D sans lunettes, j'imagine que la qualité doit être moins bonne qu'avec les lunettes. Oui. Mais à ce qui paraît, en tout cas, ce que je m'étais fait dire, que la définition d'une télé 3D, quand tu tombes normal, là, en HD, est beaucoup meilleure. Que la HD. Et de loin, loin supérieure. OK, bon, quand même, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, c'est justement pour ça, sûrement, que dans le sondage, les gens qui connaissaient ça... Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont répondu, je me rappelle plus le pourcentage. Pour la différence minime de prix? Ou l'autre partie de gens qui disaient qu'ils achèteraient peut-être quand même, là, malgré tout. Là, ouais. 33% des consommateurs qui envisageaient d'acheter un téléviseur HD dans l'année à venir, 55% à vous ne pas être du tout intéressés par la 3D, donc ça veut dire que 45% le seraient ou s'en foutraient complètement. T'sais. C'est bon. Ouais. En tout cas. Mais c'est ça, je voulais pas comparer ça à la télé haute définition. Au départ, quand la technologie HD est arrivée, tout le monde disait ça sert à rien, il n'y a pas de contenu, nanana. Mais c'est ça, faut que tu achètes des télés pour que le contenu vienne, parce que sinon, c'est aucune raison c'est d'en ça, faire. Exactement. Et là, il y en a de plus en plus. C'est ça. Du contenu HD, il y a presque plus rien qui n'est pas en HD. T'sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Cherchez les émissions qui sont pas en HD sur la télé normale. Mm. Bref, en tout cas, peut-être un jour, mais c'est ça, c'est pas comme la HD, là. C'est pas quelque chose qui est nécessaire à avoir, je trouve. Même si la HD n'est pas nécessaire à avoir non plus, mais une fois que tu l'as vécu, tu veux pas revenir en arrière, surtout que t'as pas besoin d'absolument rien, puis ça fait juste améliorer de fois 1000 l'image, tu sais. T'as aucune raison de pas vouloir la HD, alors que la 3D, ça va-tu t'apporter vraiment quelque chose de si intéressant que ça? Une fois de temps en temps, oui, mais tu sais. Ah. Une fois de temps en temps, c'est ça, il faut que tu écoutes un film. Ouais, c'est ça. C'est le fun si, mettons, un de tes amis a une télé 3D, tu sais. Tout le monde va pouvoir y aller, puis. Ouais. Non. Mais sinon, chez nous, je sais pas quand est-ce que je vais avoir envie et je vais écouter un film en 3D à soir. Là. Non, c'est ça. Pas sûr. Et puis, le trip est pas là. Tu sais, dans le sens que j'ai été voir Avatar, ça fait longtemps, là, tu vas me dire, effectivement. Un peu. J'ai été voir Avatar au cinéma et puis c'était en 3D. Ouais. Bon, tu sais, en fait, avec les lunettes, ces trucs-là. Et puis, tu sais, c'est pas renversé. Mais, oui, le film est très beau, là, ouais. Mais tu sais, c'est pas quelque chose. Faut que je vois tous mes films comme non, ça. Non, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Et tu sais, tu vois pas tellement l'utilité. Même que en plein milieu du film, tu te rends plus compte que c'est en 3D. Sérieux? Ouais. À un moment donné, j'ai même enlevé mes lunettes. Je voyais pas tant de différence, ouais. Tu sais. Et puis, je sais pas, non. C'était le dernier Harry Potter que j'ai vu en 3D aussi, puis j'étais vraiment pas impressionné. Sérieusement, moi, la 3D, je la vois même pas tant que ça. On dirait que je trouve que c'est comme dédoublé un peu. Là. Ça me va pas tant que ça, la 3D, ça, au cinéma. Il faut que tu sois, comme ton DS d'ailleurs, il faut que tu sois bien placé. C'est ça. Puis faut dans la salle, que... là, il y a. Tu sais. Va pas te chercher quelque chose à boire parce que t'avais repu en 3D. non, c'est fini. En tout cas. Passons à YouTube maintenant. Un chauffeur qui a été repéré par la police grâce à YouTube, filmé à 293 km/h. C'est à Bruxelles. Un chauffeur qui roulait à près de 300 km/h sur une autoroute de Flandre, dans le nord de la Belgique, a pu être identifié par la police grâce à des images diffusées sur le site de partage de vidéos en ligne YouTube. C'est bien qu'on précise tout le temps le long nom. Sur des images tournées à l'intérieur d'une Aston Martin et diffusées mardi soir par plusieurs médias belges, le passager filme le compteur kilométrique du bolide affichant la vitesse de 293 km/h alors que la voiture se faufile dans une circulation assez dense sur le 17 entre Anvers et Gand. Ça doit. On entend également le pilote de la voiture qui s'exprime en néerlandais et dont on ne voit pas le visage dire, et je cite, « On va enclencher la fonction sport », puis expliquer tranquillement que c'est une Carbon Black Edition et que c'est amusant de la conduire. Il se vante également de posséder l'un des trois seuls modèles, Carlin, de ce type vendu en Belgique. C'est quoi son auto? Une Aston Martin Carbon Black Edition. Yeah. Ouais. La police a pu identifier le chauffeur grâce à ses éléments et aux plaques d'immatriculation du véhicule visibles sur d'autres vidéos partagées sur le site internet. Puis on s'entend pour dire que Aston Martin, il y en a pas beaucoup. Ben non, c'est ça. Il dit trois seuls modèles de ce type-là. Donc, à un moment donné, tu trouves ces trois personnes-là qui en ont acheté. Et puis voilà. L'homme pourrait être poursuivi sur les bases des images de la vidéo ainsi que du témoignage éventuel du passager. Il risque une amende de 2 750 €, un retrait de permis de 5 ans et la confiscation de sa voiture d'une valeur de quelques 190 000 €. Selon l'agence de presse belge. En début de soirée, la vidéo n'était plus visible sur YouTube. Un message indiquant qu'elle avait été retirée par son propriétaire. On s'imagine, hein? Pas mal de premières affaires que tu fais. Ouais. François, nouvelle qui m'intéresse dans le sens que je trouve ça cool. Les ventes de musique en ligne sont en hausse de 7%. OK. Ouais. Les ventes mondiales de musique numérique devraient progresser d'environ 7% cette année à 6,3 milliards de dollars, portés par le boom des services en ligne comme iTunes ou Spotify. Le cabinet d'études prédit cependant que les ventes de CD affectées par le piratage et la concurrence des offres en ligne vont poursuivre leur déclin sans être compensées par les nouveaux services numériques, le secteur peinant à s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. En 2015, Gartner... qui est une firme de sondage statistique. Gartner prévoit que les dépenses de musique en ligne atteindront 7,7 milliards de dollars contre 5,9 milliards en 2010. À la même année, les ventes de CD et autres supports physiques ne devraient plus représenter que 10 milliards de dollars contre 15 milliards 5 ans plus tôt. Et je cite, « L'industrie musicale a été le premier secteur des médias à éprouver pleinement l'impact de deux forces majeures, Internet et des consommateurs dont le pouvoir... Internet et des consommateurs dont le pouvoir est renforcé par la technologie. » D'accord. Selon lui, le nombre de consommateurs se sont emparés dès le début des outils d'Internet pour partager illégalement de la musique par l'intermédiaire des services comme Napster, au départ des maisons de disques comme Universal, Warner et EMI. Mais la facilité d'utilisation des services légaux encourage les consommateurs à payer et les concerts profitent également aux grands labels, aux grandes étiquettes de disques qui encouragent de nombreux chanteurs à repartir en tournée. Une autre chose qui me dérange, c'est quand les gens utilisent « label » en français. Ça m'énerve. Label? Label. Sur le label. Ouais. Non? Ouais. Ben là, choisis ton bord. Tu parles en anglais, tu parles ça en anglais, tu parles ça en français, man? Dude. Ah, dude, dude man bro. Les deux, dude. Quoi? Les deux. Les deux, dude man bro. Ouais. Ouais, en vrai. Hein, dans ta face? Ben dans ta tête. Dans ta face, la moustache. Merci. Depuis d'autres offres musicales par abonnement ou écoute en continu sur le principe de la radio, comme Spotify, Last.fm, Pandora ou Facebook, rencontrent de plus en plus de succès, ce que je trouve parfait. Gartner s'attend à ce que les services par abonnement atteignent 2,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2015 et qu'ils représentent 29% du total des dépenses musicales en ligne. Parlons du robot Asimo. François, est-ce que tu te rappelles du robot Asimo? Là? Non. Non? Qu'est-ce qu'il faisait, même lui? Pas un peu? Ou qu'est-ce qu'il faisait pas? Le petit robot, là, il pouvait marcher, puis il pouvait faire un paquet d'affaires, descendre des escaliers. Tu sais, ce petit robot genre beige, le fait par Honda. Ouais. T'as déjà vu des vidéos sûrement, lui, sur YouTube? Ouais, j'ai déjà vu. Mais tu sais, ça donne quoi un robot qui descend les escaliers s'il fait rien d'autre? Justement. C'est pour faire avancer la technologie. Tu commences par quelque chose de simple pour plus tard avoir quelque chose de grandiose. Oh, ouais, mais tu sais, ouais, vous voir. Bon, c'est discutable. Bon, ouais. Moi, je pense pas qu'un jour un robot puisse vraiment être utile. Est-ce que tu veux que je te lise l'article pour que tu me dises, ah, finalement, peut-être okay, que j'ai... OK, ouais, peut-être. Okay. Vas-y. Le petit robot Android japonais Asimo, qui sillonne le monde depuis des années, épatait déjà la galerie en courant avec agilité, mais désormais, il sait aussi sauter à cloche-pied, effectuer des gestes avec une plus grande dextérité et prendre des initiatives. Présenté, comme quoi? Présenté mardi à Tokyo, la dernière version d'Asimo du groupe de moto et automobile Honda peut enchaîner de façon autonome des mouvements plus complexes et modifie son comportement en fonction des agissements d'humains autour de lui. Le nouvel Asimo peut notamment sauter sur une ou deux jambes, y compris en se penchant, galoper à une vitesse de 9 km/h. Wow, quand toi, hein? Galoper à 9 km/h, ça fait peur. Ouais. Courir à reculons ou encore marcher sur un terrain un peu accidenté. La génération 2011 est aussi équipée de multiples capteurs qui lui confèrent des sens proches de ceux de l'homme, donc vision, audition, toucher, et dont les informations sont combinées pour lui permettre, par exemple, de reconnaître des personnes non seulement grâce à leur visage, mais aussi au son de leur voix. À l'instar d'un humain, Asimo est en outre désormais capable de prédire la direction d'une personne et de bifurquer à temps pour éviter une collision. Elle peut aussi cesser une action en cours et modifier son comportement pour s'adapter aux actions de l'autre partie. Avec ses mains à 5 doigts, Asimo manipule des objets avec agilité et délicatesse. Il sait par exemple ouvrir une bouteille en la tenant d'une main et en dévissant le bouchon de l'autre et verser le contenu dans un gobelet qu'il saisit sur une table. Le premier représentant de la famille de robots ressemblant à un petit astronaute date de l'an 2000. Perfectionné au fil des années, cet être bipède mécatronique de 1,30 mètres. Quand même grand. Savait déjà marcher ou courir, transporter des plateaux, pousser un chariot ou serrer la main d'une personne sans la broyer. Donc, en utilisant les technologies avancées employées pour Asimo, Honda a également développé un modèle expérimental d'un bras robotisé à même d'effectuer des tâches dans des lieux trop dangereux pour l'humain. Un tel instrument pourrait être employé pour des manipulations dans des sites nucléaires, comme la centrale atomique accidentée Fukushima Daiichi, où le niveau de radioactivité est par endroits tels que l'homme ne peut y travailler. Donc, pour aller à des endroits où les hommes ne peuvent pas aller... Le petit Asimo. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Si tu développes une technologie comme ça pour un robot, tu peux aussi développer, comme on disait plus tôt, juste un bras pour une personne qui manque un bras, pour avoir de l'agilité. Ouais. Donc, ça pourrait servir à plein de choses. Ça va faire avancer bien des affaires, ça. Moi, j'aime bien ça. Parlons du projet Darknet, qui est un Internet libre de la censure des régimes totalitaires. Internet pourrait bientôt avoir de la concurrence s'il n'en tient qu'à un groupe d'internautes activistes désireux de créer un nouveau réseau informatique libre des contraintes politiques et commerciales de l'Internet actuel. On appelle ça donc le projet Darknet. Ce groupe qui se rencontre virtuellement dans les forums IRC, oui, ça existe encore, et qui s'organise via Reddit, aimerait créer un réseau décentralisé sur lequel l'information ne pourrait pas être bloquée simplement en filtrant le contenu ou en coupant un serveur du réseau. Le projet Darknet serait composé de plusieurs réseaux sans fil indépendants reliés entre eux sous la forme d'un plus grand réseau maillé. Selon la configuration d'un réseau maillé, chaque point d'accès se connecte directement aux autres points d'accès de son entourage immédiat, acheminant progressivement l'information à la bonne destination sans passer par un chemin défini. Donc, l'information se rendrait à destination même si un point d'accès ou un nœud était coupé du réseau. Cette mesure empêcherait non seulement certains gouvernements de censurer une partie de l'information qui circule sur le réseau, elle serait également à l'épreuve de pratiques commerciales de certains fournisseurs d'accès qui n'hésitent pas à ralentir le débit de protocoles qui les agacent. Les fournisseurs d'accès Internet qui bloquent ça, ça arrive. Selon Ars Technica, qui a assisté à une rencontre du projet Darknet sur IRC, ce projet est encore bien loin de sa réalisation. Il faudrait un effort concerté de plusieurs intervenants partout dans le monde, mais à plus petite échelle, tant les groupes militaires officiels que les regroupements d'activistes dans des pays où la répression est fortement appliquée pourraient en bénéficier. Bonne nouvelle. Oui. Parlons de jeux vidéo pour terminer. Vas-y. Savais-tu que Call of Duty Modern Warfare 3 a déjà fracassé son record? Pas vrai. L'éditeur de jeux vidéo Activision a annoncé mardi, hier, que les précommandes du dernier épisode de la série Call of Duty avaient déjà atteint un niveau record alors que le jeu sortait en ligne en magasin, donc hier aussi. Des milliers d'amateurs ont fait la queue pour mettre la main sur le jeu Call of Duty Modern Warfare 3 dans des boutiques qui ont ouvert à minuit spécialement pour l'occasion. Es-tu allé l'acheter? Non. Finalement? Non. Non. Non. Oh. Non, hier, le mardi, c'est une grosse journée pour moi. J'ai un cours le soir et puis, vois-tu, je pense que j'ai bien fait parce que je me suis couché en arrivant. J'ai mal à la tête. Ça, t'aurais pas joué pareil. Ce soir, peut-être pas. C'est la fête à mon grand-père. Donc, ça tombe mal. Hein? Ouais, c'est ça. Il aimerait pas ça jouer un petit peu à Call of Duty, toi? Non? Ouais. Non, je pense que non. Je pense que non, mais écoute, c'est sûr que jeudi, je pense que je vais me gâter. Ah, j'espère. Je vais me gâter, jeudi. Gâte, tu le mérites, François. Ben oui. Inquiète-toi pas, Mathieu, je t'oublie pas, je vais te revenir avec... Tu sais que j'attends rien que ça. Une petite chronique. Des fêtes de lancement ont été organisées par plus de 13 000 détaillants dans le monde. C'est au total le 8e épisode d'une série qui n'a cessé de gagner des fans depuis 2003. On rappelle que Call of Duty Black Ops, le précédent épisode, avait rapporté 360 millions de dollars en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne dès le premier jour de sa sortie. C'est un record fou, de recettes pour un lancement dans tout secteur de divertissement avec 5,6 millions de jeux vendus. Bon. Times Square va avoir des allures de Mario en fin de semaine. Nintendo ne lésinera pas afin de publiciser le lancement du nouveau jeu Super Mario 3D Land. Toi, c'est Call of Duty, moi, c'est Mario. Tout le monde sait ça. Ouais. En effet, dans l'optique de vendre un maximum de copies du jeu, la firme japonaise va transformer le célèbre Times Square de New York en gigantesque parc inspiré de l'univers de Mario. Génial, ça? Mm-hmm. Nintendo donne une rare chance aux fans de New York de découvrir comment le 3D, améliore et réinvente significativement l'expérience Mario. Quiconque visite Times Square le 12 novembre sera invité à jouer dans le monde 3D de Mario avec des tuyaux grandeur nature, des trampolines à sous, je sais, et un gigantesque drapeau pour terminer le parcours. C'est quel? C'est en fin de semaine. C'est le 12 novembre. J'aimerais donc ben trop ça. Je capoterais tellement. Faudrait, sérieux. Par ailleurs, ceux qui se présentent à Times Square ce samedi vont recevoir des oreilles et une queue à l'effigie. Ah non! Du tanuki de Mario. Mario renard, le genre raton laveur. Raton laveur. Hey, je veux-tu ça, moi, je pense, des oreilles? Hey, mais c'est pas loin, New York. Là. Ouais. Tu peux y aller en auto. Oui, j'aimerais bien ça. Ah. Donc, ça vous tente de passer dans le coin, hein? Times Square, tu sais. Chaque côté, hein, comme tu dis. Ben, c'est pas loin. C'est pas si pire que ça. C'est à peu près quoi, 8 heures? 8 heures, juste. Ben, c'est pas si pire que ça, là. T'es à New York, là. Peut-être qu'ils vont venir à Montréal un jour, hein? Ben, c'est pour. Non, ouais. On a parlé depuis les derniers jours de la nouvelle Xbox. Parlons juste quelques secondes de la nouvelle Wii U. Encore des rumeurs. Toujours des rumeurs. Jusqu'à temps que ça sorte, il va y avoir de nouvelles rumeurs à toutes les semaines. Ça arrive. Donc, lors de l'annonce du projet Wii U, qui est la prochaine Nintendo Wii, lors du dernier E3, la foire de jeux vidéo, on nous avait fait comprendre une chose. La future console de Nintendo ne serait compatible qu'avec une seule et unique tablette. Tu sais, la petite tablette, là, ça va être une manette avec un écran dessus, que tu peux contrôler des affaires, jouer aux jeux qu'il y a sur la télé, l'amener sur ton écran, t'aller dans ton lit, dans une autre pièce, jouer avec, ou encore te servir de la tablette comme une deuxième caméra dans ton jeu vidéo. Donc, plein d'options comme ça. Mais... le géant japonais serait-il en train de changer son fusil d'épaule? On pourrait bien le penser en lisant quelques rumeurs rapportées par le site Develop. L'un des dirigeants d'une équipe de développement l'aurait dévoilé. Le code de la console comporterait de nombreuses indications donnant à penser que Nintendo serait en train de travailler sur l'intégration d'une seconde tablette. Donc deux tablettes pourraient servir de manière simultanée. Ce détail d'importance ne serait pas la seule variable encore incertaine. En ce qui concerne la Wii U, il y a aussi la capacité de la mémoire RAM, la vitesse du processeur et plein d'autres choses à déterminer qu'on a hâte de savoir... Peut-être qu'on va pouvoir jouer à plusieurs joueurs, peut-être en même temps, avec deux angles de caméra différents, que chacun va pouvoir voir sa propre affaire sur sa tablette. Plein de possibilités là-dessus, je trouve. Ouais. Oh ouais, Nintendo, faut leur donner ça. Ben, c'est ça. Certainement, là, ils innovent. Puis, après ça, les autres copies. Ça, c'est excellent. Je veux dire, si c'était pas de la Wii, est-ce qu'on aurait eu... La Kinect, la PlayStation Move. Peut-être, mais plus tard, ou peut-être différemment. Ouais. C'est vraiment... Nintendo a tellement innové juste sur comment une manette est faite dans le temps. Mais Nintendo, en même temps, ils n'ont pas le choix de faire ça dans le sens où leurs graphiques sont pas comparables. Non, c'est ça. Mais là, la Wii U va dépasser les consoles de génération courante. C'est sûr qu'ils ne dépasseront pas la génération qui s'en vient. Dans le futur. Ouais, c'est ça. Mais eux, c'est pas l'important. C'est non, pas non, leur, c'est leur ça. Non, c'est ça. C'est pas le gamer, non, genre qui aime les graphismes. Non, c'est ça, exactement. Ils ont leur marché et c'est formidable comme ça. Tant mieux. Moi, sérieusement, je verrais pas ça autrement. Même s'il y avait de super bons graphiques malades, ça me changerait pas le jeu. Ouais. Tu sais, gars, moi, je joue encore des jeux de Super Nintendo. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons. Tu sais, je me fous de comment ils ont. De quoi ils ont l'air. Oh, ouais. Mais ça dépend des gens. Il y en a qui vont pimper leur PC pour avoir les meilleurs graphiques. Moi, je m'en sac, mais tellement. Tellement loin. Voilà pour notre éditorial sur les consoles de jeux vidéo. Il y a deux domaines dans tout. Hein, c'est quoi? Soit t'aimes les graphiques, soit t'aimes les bons jeux. Non, c'est pas vrai. Tu peux avoir les domaines, toi, je sais. Oh, ouais. Ouais. Alors, on va finir avec du chiptune, comme toujours, avec l'artiste Matt Wilson qui nous fait entendre la pièce « Show Dinosaurs the Internet and Become Their King ». Excuse, tu peux-tu mettre ton titre plus long, s'il te plaît, mon ami? Je vais essayer par la pièce de trouver d'autres mots à ajouter. Donc voici Matt Wilson au 89.1 FM. Vous êtes dans la chronique Cynix. vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Assemblage requis jusqu'à 9h. Lives when we lie alone, we wear each speaking tongues like alleycats, cradle them in both our laps, and we die alone. Well, we sleep inside a blanket to bed, planted like the crocuses. In the song my mother said she wanted us to sing. We sleep inside a blanket to bed, planted like the crocuses. And I wish my mother could see the ring I got. Avec la pièce Alleycats. J'adore ça, c'est très calme. Ouais, on l'écoute pas si souvent. Non, non, vraiment pas. Ça fait une éternité que ça n'a pas joué ici. Assemblage requis. Voilà. On aime ça. On aime ça. On aime ça des faits aussi. Mm-hmm. Comme se dire des vraies affaires, tu sais. Ah, je pensais que tu parlais du verbe faire. Aussi. Alors, moi, les verbes, hein, les passés composés, ouais. Les participes passés. Non, c'est la colique, c'est un fait. C'est un fait qu'elle a collé des choses véridiques, véritables et véritables. Wop, wop, les trois V. Wop, wop, wop, les trois V. Wop, super wop. Vite. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Vas-y, à la vitesse. Depuis deux semaines, tout le monde dit ça, bye, bye, bye. Non? Bye, bye, bye. Non? Je sais pas. Il dit ça dans Occupation Double, quelque chose? Je sais pas. Bonne question. Bye, bye, bye. C'est une bonne, bonne, bonne question. Est-ce que je commence à craindre? Donc, savais-tu que dans les joyeux naufragés Okay. Ouais, ça c'est Gilligan, non? C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Le nom du capitaine. Capitaine Haddock, non? Non. Une autre chance. Ouais, capitaine Morgan. Capitaine Jonas Grumby. Ah, ok. Capitaine Jonas Grumby, c'est le nom du personnage du capitaine. Ok. À la compagnie Qantas, qui est une ligne aérienne, ils ont peinturé des moustaches sur leur Boeing 737-800 pour qu'ils puissent participer au Movember. Pas vrai. C'est très bonne idée. La vidéo que je te préparais tantôt, tu te demandais c'est quoi? C'est une gaffe qui s'est passée, je sais pas trop où, dans la ville de Oban, la communauté Oban, je sais pas c'est où, où il y a eu un fiasco total de feux d'artifice, François. OK. Ils ont fait exploser tous les feux d'artifice en dedans d'une minute sans faire exprès. OK. Tout bien ça. C'est ici que les feux d'artifice ont commencé. Ils faisaient le décompte, 3, 2, 1. Et là, tu vois vraiment, là, tout éclate. Cafouillis total. C'est beau, par contre. Ah, je le vois, là. Moi, tu vois, ça me dérangerait pas d'avoir juste une minute de feu d'artifice. C'était aussi intense, tu sais. Rapide, mais intense, François. Rapide, mais intense. Mais ça pète quelque chose d'horreur, hein? C'est quelque chose, ouais. Ça sonne comme du popcorn à la radio, mais allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est dans la ville de Oban, c'est rapporté par une vidéo sur le site du Oban Times, sur leur propre journal. Oh, joli. Bon. Ouais. Peut-être décevant pour la foule qui voulait avoir une demi-heure ou 45 minutes de flirtatrice. En fait, ça dure pas longtemps, c'est quoi 5 minutes? Hein? D'habitude? Bon, peut-être 10. Ouais, 15. Tu sais, t'en as un par-ci, mon wow. Ouais. T'en as un autre, pas moi. Moi aussi, on dirait que j'aime mieux ça. Ouais. Rapide à être. Mais c'était pas voulu, j'imagine. Non, c'est ça. C'était une gaffe, un fiasco qui appelle. Ouais. Moi, j'aime ça. En autant que personne soit blessé. Ben, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, s'il était bien placé pour pas blesser personne, même s'il part tout en même temps, pas supposé blesser personne non plus, tu sais. Bon. Savais-tu que tous les stylos du gouvernement américain sont fabriqués par des travailleurs aveugles? Hein? Les stylos? Ouais, c'est des stylos à billes de base, très très basic. Pas les bics? Non, pas les bics, ceux qui sont écrits US Government. C'est plus populaire aux États-Unis, évidemment. Okay. Hein? Donc, c'est marqué US Government dessus. C'est des articles de tous les jours que pas mal tout le monde connaît. C'est, on appelle ça le Coca-Cola des crayons à l'encre parce que tout le monde aux États-Unis peut les reconnaître. Donc, j'imagine que c'est pas cher. C'est ça, c'est pas cher. Ça existe depuis plus de 40 ans. Ce que la plupart des gens ne savent pas, par contre, c'est qu'ils sont manufacturés selon un mandat du gouvernement avec le nom Skillcraft. Ils sont assemblés par des travailleurs, comme je disais, aveugles dans des usines du Wisconsin et de la Caroline du Nord. C'est le Coca-Cola. Ouais, Coca-Cola. Pas dur à dire. Coca-Cola. Des stylos, comme je disais, parce que c'est reconnaissable, mais aussi parce qu'ils ont des très, très hauts standards de qualité. Les crayons doivent écrire de façon continue pendant 1000 peuvent aller à des températures entre 160 degrés Fahrenheit et 40 degrés sous zéro. Donc, c'est des crayons de qualité quand même. Ça, c'est le fun, ça. Il y a une morsure d'araignée qui peut causer une érection qui va durer 4 heures, François. Hein? 4 heures. Une morsure d'araignée te fait faire une érection qui dure 4 heures? Exactement. C'est la Wandering Spider, la Brazilian Wandering Spider, qui est apparue dans le livre des records Guinness en 2010 comme étant l'araignée la plus venimeuse du monde. La neurotoxine à l'intérieur cause une perte de contrôle des muscles et une asphyxiation. D'accord? Et la morsure peut entraîner des douleurs intenses et de l'inflammation. Par contre, le venin peut aussi causer du priapisme, qui est une condition médicale où le pénis ou le clitoris ne revient pas à son état normal. Pour l'instant. C'est ça, pas tout de suite. Là. Ces érections-là peuvent durer plusieurs heures et peuvent même causer de l'impotence. De l'impotence? Quand tu deviens... Impotent. C'est ça que ça dit en français? Ben oui. Que tu peux juste pas... t'es comme plus... OK, ben... impotent, c'est ça? Je sais pas si c'est ça ou c'est... C'est pas... Impotent, c'est pas quelqu'un non, qui... Non, c'est pas infertile, je pense, quand tu peux pas te reproduire, non? Ouais, ouais, ça, c'est infertile. Mais impotent, moi, je pensais que quelqu'un d'impotent, c'était quelqu'un qui était pas... qui était maladroit, qui était... Non? Non, non, ça, c'est un empoté. c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Donc, ils essaient de trouver avec des recherches pour. Ils cherchent un traitement, dans le fond, qui pourrait utiliser ce venin-là pour réussir à améliorer les dysfonctions érectiles chez les personnes qui ont de la misère à. Mais en même temps, 4 heures, c'est rien pour Mathieu Plante. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on dit tous, non? C'est, voyons donc. Mais, ouais. Peut-être que. Ça mérite du travail. Impotent. Qualifie une personne qui rencontre de grandes difficultés à bouger. Donc, à bouger du... Ça bouge pas fort. Ça bouge pas fort. Voilà. Pas comme toi. Ben là, c'est ça. Ma réputation me précède de plusieurs. Bon. les canards muscovies qui ne peuvent pas être violés. Là, on reste dans le domaine des pénis. Là. Si vous êtes allergique au pénis ce matin... Ouais. Mais ce qui m'embête, c'est que tu as rajouté canard là-dedans. Ben, c'est ça. Mais tu vas être vraiment impressionné par ce canard-là. Tu vas dire « Wow, beau canard! » Puis là, tu parleras pas de mon Mais tu canard. Peux pas le violer. Non, ça. Ben, attends un peu. Non. Mais qui veut violer un canard? Où c'est que tu prends ça? T'as tout à l'envers, François. T'as tout à l'envers. Non, mais tu droppes des mots comme ça. Mais... Je fais du name dropping, du penile dropping. Donc, le mâle de l'espèce du canard muscovie. Okay. Le mâle. Le mâle, un pénis, canard. Oui, mmh. Un pénis, d'accord. Ouais. Est-ce que je dois répéter le mot pénis ben, encore? Tu peux encore, jamais 203, tout ça. Pénis. De presque 8 pouces. OK. Pénis de presque 8 pouces. C'est un 3 quarts de 12 pouces de sous-marin, ça. Ouais. On se comprend. Ouais. Il peut devenir gros comme ça en dedans d'un tiers de seconde. Schling! Schling! Ce qui veut dire que les femelles... I'm ready to fire. Donc, ça veut dire que les femelles ont vraiment pas beaucoup de temps pour se sauver parce que sinon, ils vont se faire violer par les canards masculins, les canards mâles de l'espèce des muscovies. Donc, pour ne pas se faire violer, les femelles ont évolué avec le temps. Ils ont évolué avec un canal vaginal en tire-bouchon. OK? Donc, ça bloque le pénis d'entrer complètement à l'intérieur. Donc, le mâle peut seulement imprégner la femelle si elle relaxe tous les muscles à l'intérieur de son vagin pour faire entrer le pénis de 8 pouces du canard mâle muscovie. Les biologistes, biologistes pensent que c'est la première évidence d'évolution à l'intérieur du domaine de la compétition génitale. OK. C'est bien, ça. C'est quand même impressionnant, tout ça, comme histoire, non? Ça me surprend quand même qui découvrent que c'est une évolution, tu sais, dans le sens où... J'imagine qu'ils ont découvert... Ça se fait pas en 20 ans, non, c'est ça, non, que c'était pas comme ça avant, je sais pas. Mais bref, OK. C'est un beau petit fait, hein, ça. Ouais. Tu trouves-tu ça plate? Comment tu te sais? Par rapport à ça, ben, ouais. Parce que dans les animaux, c'est ça, c'est pas nécessairement « je te cruise » et puis on va sortir ensemble. « on est-tu rendu un couple? On est juste des... » Tu sais, les questions... Il y a pas ça, là. C'est comme « gars, je te saute dessus. » Ouais. Fait que là, la femelle, elle peut pas se protéger parce qu'il y a un tiers de seconde avant d'être chouignée, tu sais. Ouais, c'est bon. Ça. Mais là, ils ont développé un mécanisme de défense. Et voilà. Donc là, en fait, il faudrait que tu y ailles tranquillement. OK, bon. James Bond. Ouais, Monsieur Bond. Là, on change de sujet comme t'as... Mais pas tant que ça. Non, c'est ça, mais James Bond est bien... James Bond a tué plus de 150 hommes. Ouais, à main nue. Non. Et a couché avec 44 femmes jusqu'à maintenant dans la série. Rien d'impressionnant quand on compare à Chuck Norris. Non. Ok, non, ça allait faire encore une blague sur moi. Tu tues pas des hommes? Non, c'est vrai. Hey. Je leur fais mal. Ben ta matraque. Écoute, ta matraque peut assommer pratiquement n'importe qui. On va tellement loin. Ouais. Un peu comme moi. Bon. Donc, depuis la création de James Bond en 1962, trois quarts des femmes avec qui il a couché ont essayé de le tuer. Mais quand même, un autre fait étonnant qui est pas le même domaine du tout, le drink préféré de James Bond, le martini. Martini, oui. Contient environ 130 calories, ce qui est à peu près le même nombre de calories qu'on brûle en faisant des trucs. Ouais. Ouais. Fun, hein? Ouais. Peut-être pas un canard. Non. Et puis, tu sais, j'imagine que si tu dures ça comme tu sais si bien le faire au-delà de 4 heures. Merci, j'aime comment tu bâtis vraiment une réputation de fou. Ben, écoute, Mathieu, tu me remettras ça un moment donné. Un jour, hein? Ouais. Je te le dis pas comme ça. Pas dans la face, hein? Bon, hey, changeons de sujet. Aïe, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ouais. Il nous en reste quelques-uns encore. Malheureusement. Une compétition de roche-papier-ciseaux qui a été utilisée dans une... Ça, c'est le fun. Ouais, je sais. Qui a été utilisée dans la vraie cour. Tu sais, la cour, là. La cour justice. Devant un juge. Wow! Ça se passe en 2006. Deux côtés, dans le fond, d'une grosse bataille en cours, là, étaient incapables d'arriver à une décision sur quelque chose de vraiment pas important du tout. Là. Ce serait où la déposition se serait faite. La déposition. Au poste de police ou à la maison? Je pense que c'est quelque chose du genre. Donc, malgré de longues discussions, ils n'ont pas réussi à arriver à un commun accord. Donc, étant tanné de ça, la juge, dans le cas, a décidé que bon, c'était assez. Donc, elle leur a demandé de choisir un site neutre. OK. Et là, ils n'étaient pas capables de trouver un site neutre. Ils n'étaient pas capables d'arriver à une décision là-dessus non plus. C'était tellement une décision de n'importe quoi, on s'en fout, là. On s'en fout complètement. Donc, le juge a dit, faites une partie de roche-papier-ciseaux. Le gagnant va choisir où va se passer l'affaire. Non, c'est comme ça. Mais ça me surprend un peu que tu aies le droit. Ben, c'est ça, le juge peut même faire... C'est assermenté. Ouais. C'est un peu comme pas mentir. Ben, son raisonnement était que, dans le fond, il voulait faire honte un peu aux avocats qui réussissaient pas à s'entendre sur un point aussi stupide. Donc, c'est ça. Il dit, vous voulez niaiser sur des... Vous voulez enfarger des fleurs du tapis? Ah ouais. Bon, on va y aller avec une niaiserie, nous autres aussi. Puis, ce sera ça qui sera ça. Parfait. Moi, j'approuve, en fait. Oh, ouais, non, c'est... Moi aussi. Tu connais la compagnie 3M, François? Ouais. Ceux qui font les post-it, les seuls post-it qui collent, je pense. Enfin. C'est eux autres qui les ont inventés. Mais c'était pas ça au début. Non. Je me rappelle pas. Je devais parler dans cet effet, mais je me rappelle pas. Il y a tellement de faits là-dedans. L'idée, c'était eux autres, là, ils voulaient une nouvelle sorte de colle et ça collait pas du tout. Ah. Donc, ils s'en ont comme resservi pour faire les post-it. Et puis, ça a connu le succès que l'on reconnaît. Très bonne idée. Mais la compagnie 3M a déjà créé un mur invisible par accident, François. Un mur invisible. Tu vas voir, c'est génial. Le phénomène est arrivé dans une place à l'usine où il y avait un film. Un film, là. Un movie ou... Pas un film, là. L'autre affaire, un film, là, comme une pellicule, un film. Comme Saran and Rap, c'est un film, okay. Là, c'est bon. Mais c'est pas un film. C'est une pellicule. Bon, mettons une pellicule, d'accord. Une pellicule chargée d'électricité, d'accord? Donc, dangereux, qui était assez forte, assez solide pour empêcher les humains de passer, mais tu ne la voyais pas, cette pellicule-là, ce film-là. Mais tu la voyais pas, j'imagine. C'est... Apparemment, tu la voyais pas. Donc, une personne haut placée chez 3M faisait une inspection de l'usine et s'est trouvé, en fait, incapable d'avancer plus loin. Il était bloqué. Non, mais je te jure, il était bloqué par le mur invisible. Il a vu mais que... Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est solide? C'est quoi? C'est solide. Et non seulement c'était solide, mais en plus, il pouvait s'accoter complètement sur le mur. Comme ici, là, je m'éloigne. Je m'accote sur le mur. Là. OK. Puis c'était dur. C'est... Mais ça penche, non? Non, c'était dur. OK. Je m'accote sur le mur. Ici, là, c'est dur. OK. Mais je pensais que tu faisais ça parce que... Non, mais là, je suis pas un très bon mime. Hein? C'est... Non, non. Moi, à cranium, je suis plus genre pâte à modeler. Donc, il pouvait mettre tout son poids là-dessus et pas être capable de bouger. Il pouvait même pas se retourner. Il a fallu qu'il marche à l'envers pour se tasser de ce mur. Ouais, mais attends un peu, si t'es pas capable de te retourner, c'est parce que t'es encastré dedans. Ben oui. Ouais. C'est impressionnant. Mais donc ça bouge. Alors, je sais pas, là. J'ai pas le film pour nous. Non, mais tu sais, j'essaie de comprendre moi aussi comment il peut. Mais tu sais, quand tu t'encrasses dans quelque chose, tu sais, c'est parce que. Ben peut-être que c'était collant. Peut-être qu'il pouvait s'accoter contre le mur collait. Et que c'était collant. Et peut-être qu'il pouvait pas se retourner, donc il a fallu qu'il marche vers la. Je sais pas. Mais en tout cas, bref. Ouais. Ça pour dire que la nouvelle. Mais ils font rien avec ça? Ben, peut-être un jour. Ben là, j'espère. Mais c'est quand même peut-être qu'ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais, quelque chose qui est pas visible à l'œil nu. Ouais. Tu fais quoi avec ça, t'sais? Ben, à savoir, est-ce que ça a des propriétés isolantes ou... Non, c'est ça, puis peut-être que oui, peut-être que non, puis peut-être aussi que c'est pas par balle, etc. Donc, tu peux pas t'en servir pour plein d'affaires, tu pourrais non, pas non. faire une devanture de magasin, etc. Non, c'est sûr, mais en même temps. Peut-être que t'as déjà des vitres aussi, tu sais. Ouais. Dans la vie, fin. Ben, en même temps, j'imagine que tu peux. Il doit avoir un paquet d'utilité. C'est sûr. Ben oui. Un jour, ça va sûrement venir. Ben parce que je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Ouais. Juste faire des gags. Hein. Oui, c'est ça. Mettre ça sur un siège de toilette, là, ça part. Excuse-moi. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Oui, excuse-moi, François. Des fermiers en Angleterre. D'accord? Des farmers. Des farmers qui sont obligés de tenir les cochons dans un bonheur parfait. Il faut que les cochons soient heureux. OK. Donc, c'est vraiment, les droits des animaux, etc. Là, on pourrait en parler longtemps de ça, mais le gouvernement britannique a décidé que les fermiers devaient se soucier du bonheur et du bien-être émotionnel de leurs cochons. Donc, c'est dur à calculer, j'imagine, par exemple? Ben, c'est ça. C'est que les fermiers pourraient avoir, dans le fond, à payer s'ils ne s'assurent pas que leurs cochons ont un environnement heureux. Donc, il faut leur donner des matériaux manipulables pour enrichissement environnemental, ce qu'on pourrait aussi appeler des jouets pour cochons. Attends un peu. Des matériaux manipulables pour enrichissement environnemental. Genre de leur environnement. Donc, c'est vraiment des jouets. Juste des jouets. Il faut leur donner des jouets. Okay. Le but du gouvernement est de garder les animaux heureux et les empêcher de s'attaquer les uns les autres. Mais on s'entend qu'à la fin, on va les tuer pour faire du bacon. Non, mais c'est pour vrai. Là. Non? Ouais, dit comme ça, c'est un peu très moi. Hein? Ben, c'est ça. Donc, les fermiers étaient pas heureux. Ils trouvaient que c'était un gros fardeau que les autres pays avaient pas à suivre. À dealer avec. Là. À dealer avec. Donc, ils ont dit que tout ce que les cochons veulent pour être heureux, c'est de l'espace. Mais le gouvernement est pas d'accord. Bon. Ça va loin. Un peu trop. Un petit peu loin. Un petit peu. Ouais. Bon. Et mon cochon, toi. C'était mon imitation de cochon. Il faut que je t'en parle. Deux derniers faits, parce qu'ils sont trop intéressants pour les sauter. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de chronique le jeudi, c'est lundi prochain, ça va être trop loin. Les Banzai Skydivers, OK? C'est des gens qui sautent à partir d'avions. Des bonsaïs, quoi? Des petits arbres qui sautent d'avion. Ouais, c'est ça, mais je comprenais pas. Non. Donc, c'est des gens qui sautent en parachute, mais ils sautent pas en parachute, ils sautent avec un parachute, OK? Donc, comme si c'était pas assez de sauter avec un parachute d'un avion, ces gens-là lancent, tu me vois venir, lancent le parachute de l'avion. Ça peut faire mal. Et ensuite, eux sautent et doivent aller trouver le parachute dans les airs. Oh, pour être capable fous. De l'ouvrir avant la fin. C'est des fous malades mentales. Faut-tu l'attaches? Oui. Mais non. Oh, non. Eux, non, ils lancent non. en premier. J'imagine non. qu'il y a un délai pour être un petit peu plus safe. D'une fraction de seconde. Oui, un tiers de seconde. Chouing, comme, ouais. Comme un canard. Un canard, canard. Mouscoli. Ouais, mouscoli, quelque chose genre. Donc, ça s'appelle du banzai skydiving, comme je disais. Ils espèrent l'attraper. Ce sport dangereux-là a été, mis en vedette dans le livre des records Guinness. Les éditeurs ont décidé de garder le record dans le livre parce que, tu sais, ils disaient, bon, c'est pas sécure, donc peut-être qu'on devrait l'enlever du livre pour pas que les gens l'imitent, nanana. Mais les gens de Guinness World Records ont dit que un record peut être dans le livre des records Guinness s'ils ne mettent en danger que la vie de la personne qui fait le record. Ben oui, puis en même temps, tous les records, à la limite, t'as un certain danger. C'est ça, même si t'as des cure-dents dans la bouche, à un moment donné, tu pourrais t'étouffer avec moi. Ouais. Oui. Donc, c'est ça, ils ont décidé de le garder parce que ça met en danger que la personne qui parachute. Ah. Bon. Et un dernier, savais-tu que les cheerleaders ou les pom-pom girls, parce que les Français sont donc bons pour traduire les termes en français avec des mots en anglais, t'sais. Donc les pom-pom girls ne font que 50$ par partie. OK. Pour quelle équipe? J'imagine pas... En général. Dans la NFL. En général. Dans la NFL? Parce que sûrement que ton mythe à toi, c'était, bon, crime, c'est super glamour, il doit être super riche, sortir avec plein de joueurs de la NFL. Non. Peut-être pas super riche, là, mais plus que 50$. Ben non. En moyenne, une cheerleader fait entre 50 et 75$ par partie. On pourrait dire, bon, au moins, ils sont avec des vedettes de la NFL tout le temps. Non, parce qu'ils sont interdits de... C'est interdit pour elles de socialiser avec les joueurs. Ah, ouais. Ouais, ils peuvent faire un petit peu plus d'argent en participant à des apparitions en public payées, mais ils doivent être approuvés. Elles doivent être approuvées par leur coordonnateur de la NFL. Certaines cheerleaders font une carrière, par contre, avec toute l'attention qu'ils reçoivent. Par exemple, Les calendriers. Terry Hatcher, l'actrice qu'on connaît pour Beauté désespérée, était cheerleader pour les San Francisco 49ers avant de sauter à la télé avec des séries comme Lois and Clark et d'autres. C'est super, hein? C'est super. 50 et 75$ par partie. C'est sûr qu'à un moment donné, tu commences à faire plusieurs parties par semaine, peut-être, mais... en même temps, NFL, il n'y a pas tant de parties que ça. Nicolas Duchamp pourrait nous éclairer sur le nombre de parties exactes. Il n'est pas là. Écoute, on l'appelle-tu? Est-ce qu'on l'appelle? Nicolas! Ah, par téléphone? Voyons, non. Ah, je pense que c'était comme... l'annonce, là. L'annonce. Des pastilles. Nicolas! Non, j'ai pas la voix assez forte ce matin, je pense. Moi non plus, écrit, mais j'avais pas toussé hors micro. Moi, là, ça paraît même pas, chez gars. Non, ça paraît pas. Ça paraît pas pantoute, hein? Non. Ça va pas pareil du tout. J'ai fait à côté du micro. Hey, on va-tu en publicité maintenant pour qu'on puisse accueillir Myriam? Il est tard, c'est vrai, il est tard. Seulement que Myriam est là dans le corridor. Coudon, il va-tu à finir sa maudite chronique de fou? En même temps, on sait qu'on n'est pas tant pressé, mais. Non? C'est pas vrai. Cette semaine, c'est pas si pire. La semaine prochaine, on va être pressé le mercredi. On en reparlera. Ça va être des bonnes semaines. Ça va être la fin de la première heure, donc on s'en va entendre l'Info Campus dans quelques secondes. Et après ça, Myriam Fugère et sa chronique aléatoire. Et puis plus tard dans l'émission. Oui, merci Mathieu. Bonne émission. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, c'est pas vrai. Yann Martel. On reçoit Yann Martel qui me parle des prêts pour les ordinateurs. Donc voilà. Zou! Ça peut être intéressant. Merci François, bonne émission. Ouais, merci. C'est tout? bon, on s'en va là-bas. Restez là, c'est l'Info Campus qui suit là. Vous êtes assez fou. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 9 novembre 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand, le bavard. Le bavard. Et lui, c'est Mathieu Plante. 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, j'arrive, j'ouvre les micros, il reste 3 secondes, t'es encore en train de parler. Blablabla. Oui, c'est Myriam qui me parle. Là. En même temps, j'essaie de la raisonner dans le bon sens. Je pense que c'est dur à faire. Ben voyons donc, dit-elle. Ouais. Ben voyons donc. Chaque jour, je lui dis. Je pense jamais que tu vas parler. Non, mais... Tu l'oublies-tu vraiment? Non, je t'oublie jamais. Mais non, mais non. J'ai assez une grande boîte, là. Jamais je croirais que tu penses que je parlerai pas. Oui. J'avais pas dit, j'avais pas le goût de dire gueule, mais là, maintenant, je vais le dire. Non, c'est parce qu'en anglais, boire, ça veut dire autre chose. Bon. c'est ça. Je dirais chronique aléatoire de Myriam Fugère. Myriam Fugère, bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, je suis complètement à l'antithèse de mon sujet. Je suis vraiment de bonne humeur. T'as l'air à ça, t'es radieuse. Ah, merci, gentil. Ça, ça sonne à radio-radio, ça. Radieuse. Radieuse. Bon, là, les gars, moi, j'avais envie là, de vous parler de quelque chose qui semble toucher des gens dans mon alentour et pas mal un 18% de la population. Hi, statistiques à l'appui. Donc, en fait... c'est béton, hein? c'est un argument non contraire. Hey, écoute, on n'a rien dit. Astine, mon pote. Excuse-moi. Je me prépare des punchlines pour François parce qu'il m'astine tout le temps. Enfin, bref. Mais vois-tu, sincèrement, je pensais que ça allait être plus que ça. Plus que 18%. Oui, certainement. Mais savais-tu que plus... Mais... Ben là, on ne sait même pas de quoi qu'on parle. Oui, de quoi qu'on parle, là, Myriam. Là. Attends un peu, là, okay. Je vais vous expliquer ça, là, parce que là, bon, on revient de la semaine de relâche, semaine de lecture pour la plupart. Ça fait longtemps qu'on est revenu. Oui, bien, on revient, là, mais on t'as fini par en revenir à un moment donné. C'est ça, on finit par revenir, là. En tout cas, bref, ça s'étire, hein? Le traumatisme de ça s'étire. Ça s'en va où, cette affaire-là? Ah, ça s'étire pas tant que ça, je trouvais, mais si Myriam l'a dit. Il est-tu obligé d'être là? Ben, ouais, c'est ce que je me demande depuis le début. Hein? Donc, en fait, bon, on a l'impression qu'on est encore plus fatigué qu'avant. Bon, voilà, tu comprends, tu je m'en fous. Ah, je comprends, t'es je comprends pas reposé, très bien. Là, non, je le vois très bien dans ta face que t'es pas reposé ta semaine de lecture. Non. Relâche, non, autre. Non, Call of Duty. Donc, en fait, on peut se... Mais c'était même pas la semaine dernière. Non, c'était deux semaines. Je le sais, okay, là. Arrêtez de vous chicaner. Les répercussions après deux. Là, regarde, excuse-moi. Oh, on dirait mes parents! Excuse-moi. Chicane. C'est une joke, ils sont séparés plus longtemps. En tout cas, bref. Bon, en tout cas, donc, est-ce que, bon, c'est parce que pendant votre semaine de relâche, vous avez trop lu? Est-ce que c'est parce que vous avez trop, passé l'Halloween? Ou bien, tout simplement, parce que vous avez trop fait le party? Arrête de rire. C'est professionnel à souhait, cette connerie. Mais c'est peut-être aussi, en fait, causé par, pom, pom, pom, la dépression saisonnière. Oh! OK, hey, on rit, mais c'est vraiment pas drôle. Mais moi, je sais même pas pourquoi vous riez, en fait. Je comprends. Il rit de moi parce qu'il pensait que je pensais que c'était la semaine... Mais oui, mais... Non, mais écoute, bon, dépression saisonnière... On voit que ça nous affecte pas. Fait qu'on va aller en musique. Ben, plus ou moins, en fait, je t'avoue que moi, personnellement, présentement, je suis peut-être un peu dedans. Ben là, ça paraît pas parce que je ris, mais c'est toi qui me fais rire. Ça compte pas, mais tu sais. Là, j'ai entendu Call of Duty. Ça veut-tu dire que t'as acheté le dernier qui est sorti il y a pas longtemps, puis que ta vie vient de cette année? Hey, wow! Jeudi. Il sortait hier. Ben, c'est je l'ai pas acheté. Il vient de sortir. Je l'ai pas acheté. Il peut pas plus venir de sortir que ça, là. Ben, hier. Hier, t'aurais pu dire ça. Mais là, il est vieux d'une journée. Fait que, donc, en fait, bon, on appelle ça la dépression saisonnière ou aussi le trouble affectif saisonnier. Je vais te regarder que toi. Focus! Enfin bref, ce trouble-là, c'est directement lié à un manque de luminosité. Oui. Donc, ce qu'on voit particulièrement cette semaine, vu le changement d'heure. Ben, c'est ça, le matin, il fait soleil plus tôt, mais le soir, là, vraiment très très de bonne heure, t'as l'impression que t'es en fin de soirée, il est comme 4h30. T'sais. Ah oui, hier, moi, j'ai fini de travailler à 6h, j'avais l'impression qu'il était quasiment 7h. Oui, facilement. Non, mais moi, 7h facile. Moi, j'aime ça, par exemple, que le matin, il fasse l'heure. Sincèrement, ça me fait du bien. Oui, ça, c'est correct. Sauf ce qui est plate, c'est quand t'es une marmotte, comme moi, puis tu te lèves à 10h30, ben, tu vois pas cet effet-là. OK, donc t'écoutes pas Assemblage requis. Ben, pas tout le temps. Traître! Ouais. Ben, ça dépend, là. Je travaille quand même deux fois par semaine à 7h45. Fait que je peux vous écouter dans ces moments-là. Mais c'est parce qu'il y a 45 minutes de passé, là. Hein? Oui, mais je me lève plus de bonne heure. Ah, OK, je comprends. Il faut que je me rende au travail. Ah, oui, OK. Bon, voilà. Alors, voilà. Donc, l'organisme va être en manque, en fait, de lumière solaire, puis il va fabriquer un excès de... Bon, là, c'est le bout scientifique. De mélatonine. Oui, la mélatonine. Mais oui. Ben oui, voilà. Qui est l'hormone liée au sommeil et puis qui augmente la fatigue et qui joue sur le tonus en général. Tu sais que tu peux acheter ça, de la mélatonine. Et sur la rigueur aussi. Ah ouais? Ça joue sur la rigueur, le tonus. Ça donne envie de rire. N'importe quand c'est pas drôle, mettons. Tellement pas. Non. Là, c'est toi qui trouves pas ça drôle. Ouais, là, Mathieu, là, quand même. En tout cas, c'est à cause de la dépression saisonnière, en fait, qu'on a inventé la luminothérapie. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que ça fonctionne si bien que ça? Ben, on dit que oui, parce que c'est le remède contre la dépression saisonnière. Et il y en a d'autres aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arriver à vous acheter la mégalampe. Juste les pilules peuvent faire l'affaire. Mégalampe qu'il ne faut pas regarder directement. Non, c'est dans l'angle. Non, il faut... Faut qu'elle diffuse à l'entour d'une pièce. Mais en même temps, on voit ici que je fais des beaux bimbles. Ouais, on le voit très bien. Ouais. Mais il faut que... Elle est prise dans une boîte. Elle tire sur une corde. Hey, c'était ton déguisement d'Halloween. Hey, c'est vrai. Ouais. Oui, je me suis pratiqué le cerceau, le cheval. J'ai tout fait. Le cheval. Wow! Hey, c'est, ouais, jouer du cerceau en mime. C'est Myriam. Ouais. C'est Myriam, hein? Ton fil est pas assez long. Non, mon fil est pas assez long pour que je le fasse, ouais, malheureusement. On va te dépluguer. Non, c'est bon. Et là, t'allais dire quelque chose là, à propos de ça. Ah, demande-y pas si. Non, mais justement, faut quand même que ça touche à ta peau. Ben pas toucher, mais. En fait, que ton œil. Mais c'est juste qu'il faut pas que ça regarde. Oui, parce que c'est la luminosité qui passe directement dans ton œil. Ah, je pensais que c'était par la peau. Eh bien, non. Ah ben, j'ai entendu épais, non. Épais, non. Là, je viens de me faire penser. Là. Merci, Mathieu. Dans tout ce que j'ai lu là, pour préparer ma chronique, ben, il disait tout le temps bon, par l'œil et tout ça. Et dans mes conseils, je conseille le bronzage. Donc, je vais éliminer ça, étant donné que tu as des mousses de petites goggles. Dans moi, mais... Non, mais je pense que ça peut être bien parce qu'en fait, tu c'est de quoi? Confort. De la vitamine D? Tu sais, c'est le confort que tu as. Ah, la chaleur. Ouais, le monde va pas là pour ça, mais c'est un comme un bain. Mais tant qu'à ça, prends un bain. Ouais. C'est moins dangereux. Ce bronzage, des fois, ça peut être moins bon pour la peau. Ouais, mais peut-être t'as peut-être pas l'effet burning. Le burning sensation. Oui, alors, voilà. Donc, là, j'ai un saviez-vous que pour vous. Alors, saviez-vous que certaines personnes sont atteintes de la dépression saisonnière au cœur de l'été? Oui. Ah ben, non. Oui, moi, c'est spécial, ça, parce qu'en fait, elles ont de la difficulté à supporter. Ouais, ben, félicitations. Est-ce qu'on a des points là-dessus? Donc, Non, je n'ai juste un saviez-vous que, imaginez-vous donc. Donc, elles ont de la difficulté à supporter la chaleur et puis la forte luminosité, en fait. On pense que ça y contribue aussi. Donc, il n'y a aucun traitement spécifique qui a été conçu pour ces personnes-là qui souffrent de la dépression saisonnière estivale. Et puis, ben, les médecins proposent un traitement standard, si on veut, contre la dépression, soit la psychothérapie, les médicaments antidépresseurs. Donc, ou un voyage dans le Nord. Non. Non? Ah oui, à ce moment-là, oui, pour l'estival, oui. T'as dit ben non comme si tu me trouvais épais? Ben, c'est parce que je me suis trompée. Mais, hey, je m'excuse. Sens-toi pas mal. C'est correct. Donc, en fait, on remarque souvent que les gens qui sont atteints de cette dépression-là ne possèdent pas de piscine. Ah, ni de décapotable. Non, pas de piscine, pas de décapotable, ni de tout ce dont on peut jouir l'été. Fait que c'est plate. On devrait... Ben, c'est plate. C'est plate, oui, puis non. Là. En fait, c'est des gens qui raffolent de l'hiver. Il y en a qui, l'hiver, moins. Les gens d'acheter leur snow, mettons, pendant l'été, puis de l'essayer dans le sous-sol avec une machine à laver. Ben, il est à rabais. Ça, c'est le genre de monde qui vont arriver dans un magasin où le décor est complètement blanc, ils vont pleurer, faire « Wow! » Tu sais, là? Ski-town. Ski-town. Hop, la fille à pleurer, cute en mode. Bon, La pub de ski-town. Enfin, bref. Laissez-donc faire. Oui, il y a du monde qui a compris. Oui, on dort, Mathieu Plum. Donc, en fait, les symptômes que l'on détecte entre le mois d'octobre et le mois de mars, mais vraiment plus spécifiquement au mois de novembre, décembre et janvier, sont les suivants. Donc, un état de fatigue chronique et de la somnolence durant le jour. Ça se peut que ce soit, en fait, à cause de la dépression, mais aussi parce que votre cour est plate. Et puis, une irritabilité ou une tristesse, une perte d'intérêt, un manque d'initiative. Mais ça aussi, encore, ça peut être parce que votre cour est plate. Alors, ça se réfère au premier état de fatigue. Et puis, un degré peut-être plus élevé de stress. Là, votre cour est stressant. Et puis, cet état, en fait, peut engendrer des comportements de compensation. Des comportements universitaires comme une compensation tu veux dire accrue. Quoi? C'est quand tu penses. Non, une compensation, c'est quand tu remplaces par autre chose. Tu compenses le manque par un autre élément. Donc ici, on compense en fait le degré de stress élevé. On peut justement utiliser une consommation accrue d'alcool ou on peut avoir des envies également incontrôlables d'aliments sucrés pouvant entraîner une prise de poids. Ah, ah, ah. Il n'y a pas de pickle là-dedans. Donc, tu sais, des fois, on pense glacée, oui. que... Ouais. Ouais, wesh. Des fois, on pense que, bon, on engraisse pendant le temps des fêtes puis tout ça, peut-être à cause, justement, du temps propice, du temps des fêtes où on mange plein d'affaires. Mais peut-être qu'on a, justement, besoin, pendant la dépression saisonnière, d'un moment comme ça où on mange beaucoup, où on a besoin d'un affluent de, mais ça de peut gras être, et de sucre. Ça peut être de plein de facteurs aussi. Tu sais, le fait qu'on bouge moins l'hiver. Ouais, ouais, ben c'est ça. Ben souvent, aussi, on... On est moins productif. C'est de la compensation. Physique, tout ça. On a moins envie de s'entraîner. Tu sais, ouais. Mettons, l'été, on a plus envie de s'entraîner. Ben, l'été, il fait beau. On se monte en costume de bain. Là. Moi, tu vois, je suis pas victime de ça du tout. J'ai jamais envie de rien faire. T'as jamais de costume de bain. Non. T'es en dépression à l'année. Bon. Il compense. Un petit peu de bedaine, là, mais quand même. Hein. Alors, avec le. Alors, il est super. Il tient sa chaise au moins. Oh, ouais, il est clean cut. Il est clean cut. Ben, il est cut, là. Il dépasse dans le petit nez. Ah, je pense que j'ai renversé un petit peu de sourcilla sur mon entre-nez. Tu l'as pas lavé. Ça date hier. Ouais, c'est ça. C'est beau, hein? Donc, on a besoin plus accru de sommeil également. Une baisse de productivité aux études ou au travail. À l'entraînement aussi. Et attention, le canard... Muff Duck de ma chronique, c'est un fait qui a 8 pouces de... Il ne triperait pas là-dessus parce qu'il y a une baisse de la libido. Okay. Ça, c'est le canard qui avait 8 pouces de pénis. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas entendu la chronique avant. Oui, juste pour être certain. Et puis, il y a une tendance à s'isoler également. Donc, les gens qui sont le plus touchés au Canada, il y a environ 18 % des gens, comme je disais tout à l'heure, qui vivraient une déprime hivernale qui est caractérisée par un manque d'énergie ou de morale... ou un moral qui est plus fragile. Mmh. Et puis, certaines de cette personne-là vivent le phénomène plus intensément et sont atteintes d'une véritable dépression saisonnière. Puis, ils peuvent avoir vraiment des la difficulté à faire leurs activités quotidiennes. Et ça peut mener très loin aussi. On parle peut-être du suicide. Exactement, c'était mon point suivant. En fait, c'est le cas pour les dépressions. C'est le cas pour la dépression classique, mais aussi les symptômes de la dépression saisonnière peuvent s'aggraver autant. Donc, tu sais, un dépressif classique, si on veut, peut se pousser jusqu'au suicide, mais une personne en dépression saisonnière aussi. Donc, le problème est aussi grave. Donc, pour ne pas qu'on en arrive là, ben voici quelques trucs pour prévenir cette dépression-là. Donc, en fait, vous pouvez augmenter votre consommation de poisson parce que paraît-il que les Islandais sont les Oméga gens... Oméga 3? Oui, exactement. Ah, c'est les Islandais qui sont le moins touchés par ça. Mmh. Et puis, on dit que plus tu t'éloignes de l'équateur et plus t'as des risques d'être affecté par la dépression saisonnière. C'est le soleil qui... Ouais, alors, tu sais, en Alaska, là, il y a de forts cas de dépression saisonnière justement parce qu'il y a des jours où le soleil ne se lève pas du tout. Ouais. Alors, mais c'est bizarre quand même parce que dans ces places-là, c'est eux autres qui mangent le... Bon, non, peut-être pas. Non. À l'Équateur, ils doivent manger du poisson aussi. Ouais. Mais tu sais... C'est un peu niaiseux, là. Ah, ouais. Ça va t'en faire un. Hey. Hey, toi, là, je t'en sais. Non, mais... l'oméga 3, en fait, est très bonne pour contrer la dépression saisonnière. Ma mère, qui est un peu... qui est un poisson. Non. Ma mère, qui est un poisson elle-même. Non, mais son copain, par exemple, son nom de famille, c'est poisson. Hey, tu parles de hasard. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, elle est un peu hippie, là, si on pourrait dire. Là. Et puis, elle me conseillait de prendre des oméga 3. Mais il n'y a pas juste ça dans le poisson, du oméga 3. Il y en a d'ajouter dans le jus, dans les œufs. Tu peux acheter des œufs avec de l'oméga 3. Ouais, mais il est ajouté. Je sais pas. Ouais, sauf qu'on parle d'une source qui est vraiment... dans les noix aussi, je pense qu'il y a de l'oméga 3. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, il y en a qui n'aiment pas le poisson, ça arrive. Oui, ben voilà. Donc, vous pouvez... Il y en a qui sentent le poisson, ça arrive aussi. Il y en a qui ont de la sauce soya, ça arrive. Donc, en fait, c'est ça, comme je vous disais, ils souffrent moins les Islandais de dépression saisonnière. Donc, il faut faire également, un point 2, plein de vitamines. Alors, voilà ce que je vous conseille. Les oranges, les kiwis, les poivrons, le cassis, les choux-fleurs, le brocoli, ben c'est très riche en vitamine C. Alors, point numéro 1 de ça. Je suis allergique au kiwi. Eh ben quand même, c'est ben pauvre toi, t'as encore les oranges, les poivrons, le cassis, le chou-fleur et le brocoli pour t'aider. Il m'en reste pas mal. Reste pas mal. Il y a les suppléments aussi de vitamine C si tu veux t'aider un petit peu plus. Donc, les viandes aussi sont très importantes, notamment la dinde et le porc qui sont pleins de sélénium, qui est à la fois un antioxydant qui permet de réduire en fait les effets de la fatigue. Donc, les effets du cancer, les effets de la fatigue. Un 2-1 pour le sélénium. Big winner. Donc ensuite de ça, on a les légumineuses, donc lentilles, haricots secs, les pois chiches, là, en tout cas. Les affaires-là. Ouais, là. Ouais, les lentilles, je suis moins fan un peu. Mais... J'aime ça, moi. Oh? J'aime bien ça. J'aime ça. Moi, je tripe sa lentille. J'aime ça. Ah, on apprend des faits. Pas juste de contact. Ben pas juste de contact. Oh, la mauvaise blague. Donc, les fruits oléagineux. Attends un peu, pas juste de contact? Les lentilles de contact. Ah! Ah, OK. Oh, parce que moi, sinon, lentilles, j'aurais, tu sais, ouais, j'aurais pensé à... ouais, c'est ça, mais tu sais, les appareils photo aussi, les lentilles. Pis, ah, voilà, pourquoi pas. Ensuite de ça, bon, là, vous serez content d'apprendre... Ça aurait pas été plus drôle, mais... Non, vraiment. Non. Il y a la levure de bière aussi. Donc, boire la bière peut... Non? Ouais. Non. Donc, on dit que c'est bon puis c'est pas bon. Tu sais, ouais, ça se contredit à ce niveau-là dans mes... Non. Hey, dis donc yes à la place. Yes, sir. Non, non, mais c'est parce que l'alcool est un dépresseur. Ouais, mais là, on dit pas, peut-être pas beaucoup, là. Ouais, peut-être pour... Peut-être un peu, j'imagine, en fait, là. On parle ici d'une source de vitamines, là. On parle pas une source élevée de vitamines. Ouais, de vitamines, donc dans la levure de bière. Il y a le chocolat aussi, qui est également riche en magnésium et qui est donc agréable au goût. C'est un micronutriment connu pour ses vertus qui sont anti-stress également. Alors, Oh ouais, anti-stressant? Zen. Oh. Ouais. Tu sais, ce qui est tout contraire pour les enfants, je pense. Ouais. Hey, j'ai un autre, saviez-vous que? Saviez-vous que la dépression touche plus... la dépression saisonnière, en fait, touche plus les femmes que les hommes et n'affecte presque pas les enfants et les adolescents. Voire pas du tout. Non, moi, c'est encore un non. Non, je savais pas ça. Non, moi non plus. Ah, pas de point. Moi, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit plus les hommes. Eh bien, non. C'est plus les femmes, puis... C'est spécial quand même, là, mais en tout cas. Parce qu'on est reconnu pour une joie de vivre excessive, là. Ben oui, hein? Oui. On s'entend-tu? Pas sûr qu'on s'entend. Oh, on s'entend pas. Non, c'est pas vrai. Alors, il paraît aussi que le miel est conseillé pour ses vertus stimulantes et euphorisantes. Si vous voulez sniffer du miel, des fois, c'est euphorisant. Tout à plaisir. Donc, point 3, en fait, de mes conseils. Le thé et le café sont tous deux riches en caféine. C'est un stimulant qui est forcément mauvais pour le sommeil. Mais bien sûr, il faut éviter les abus de consommation après 17 heures. Ouais. Ben, les 17 heures, hein, ouais. Les abus de tout ça. J'ai fait le saut, on dirait. Ouais, 17 heures. Ben là, voyons, on doit te parler. Ben oui, oui. J'ai le droit de boire du café alors que... Ouais, c'est ça. Moi, 5h30, 6h, le thé, des fois. Je sais pas comment tu fais pour dormir. Ouais, mais non, mais en cas de dépression saisonnière... Ah, OK. Oui, d'après moi, c'est plus ça. Mieux vaut également limiter la consommation d'alcool. Ce qui, en fait, la levure de bière, peut-être, mais peut-être pas trop souvent non plus. C'est pour ça que je disais que ça se contredisait un peu. Qui, en fait, comme le tabac, contribuerait à dégrader les vitamines qui sont dans l'organisme. Donc, pas nécessairement parce que c'est un dépresseur, mais parce que ça annule tous les effets du kiwi, brocoli, orange, poivron, cassis et chou-fleur. Je suis allergique au kiwi. Ah oui. Bon, mais alors, les oranges, les poivrons, le cassis, le chou-fleur et le brocoli. Et c'est pas plus intéressant la deuxième fois qu'il dit. Non. Donc, quatrième point. Bien sûr, il y a le traitement de l'immunothérapie, mais c'est coûteux, puis il ne faut pas penser non plus qu'on peut le remplacer par les néons de vos salles de cours ou par votre lampe de chevet. Non, non. Mais c'est coûteux. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben j'ai ma lampe, là. J'essaie d'avoir un petit peu de lumière, là, parce qu'en fait, il y a comme un niveau de hélix, là, qui est comme le degré d'étude, le degré de lumière. T'inventes en fait, des mots encore. Eh non, pas du tout. pas du tout. Paraît-il que t'as 1000, en tout cas 100 000, en fait, hélix de jour, là, ou je sais pas quoi, là, alors que pendant l'été, alors que pendant l'hiver, t'aurais comme 2000 hélix. Ah ouais. Mais t'as vraiment besoin de ton 100 000. Là. OK. C'est ce qui cause à la base la dépression saisonnière. Ah, alors c'est important de le savoir. Mais et puis, comme remède, est-ce qu'on peut dire aussi les pilules? Le médecin, on peut aller se faire prescrire des antidépresseurs, j'imagine. Même pour la dépression saisonnière. Oui, parce que comme je te disais tantôt, ben la dépression saisonnière peut s'étirer jusqu'à peut ne pas avoir de faim. C'est ça. T'sais, tu peux finalement ne pas t'en sortir parce que tu peux t'embourber aussi dans ta dépression saisonnière là, parce que t'as pas envie de rien faire, tu fais rien, puis là il arrive rien, puis finalement ben. Et puis si mettons exemple, on côtoie quelqu'un. Qui souffre de ça, est-ce qu'on peut... Ben, tu peux l'encourager à aller peut-être consulter. Non, un instant. À aller consulter ou ben, tu peux lui donner justement les conseils suivants. Manger du cassis, des oranges, pas des kiwis. Les kiwis, ben, ça dépend. Elle meurt pas de kiwis. Ça dépend si t'es allergique ou pas. Donc, en fait, la solution, c'est de vous exposer le plus souvent possible à la lumière du jour. Au soleil. Et tu sais, ça, si tu peux pas utiliser la luminothérapie. Et puis, d'éviter les endroits sombres. Et puis, ça a l'air que le matin, c'est beaucoup mieux de t'exposer à la lumière que l'après-midi, parce que la lumière est meilleure pour toi. Ah, ça, je savais pas ça. C'est pour ça que j'aime ça le matin, ben oui, hein? Quand il fait clair. C'est le fun. C'est plus le fun. C'est le fun. Puis en plus, t'économises de l'énergie parce que le matin, t'as pas besoin d'allumer les lumières. C'est juste que c'est ça qui est plate, par exemple. C'est que le soir, t'as besoin d'allumer tes lumières plus tôt. Ouais. En tout cas, finalement, on... T'économises pas tant que ça. T'économises pas pantoute. Donc, cinquième point, on peut s'habiller plus chaudement et profiter de belles journées ensoleillées de la saison froide. D'ailleurs, si vous étiez... Là, je me trouve bien drôle. Bon, c'est le fun, on sait qu'il va y avoir une blague. Attention, il y a une blague. Les punchlines, est mieux d'être bons, là. Hein? Ouais, puis d'après moi, elle est pas pire pantoute, là. Tu sais, là, il y a l'expression qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ouais. » Sinon, en mai, tu seras grippé. J'avais jamais entendu ça. Mais attends, moi j'en ai inventé un nouveau. En novembre, recouvre-toi les membres. Les cinq membres. Fait que. Parlez-en au canard, il y en a long à recouvrir. Et puis, bon, point 6, faire chaque jour de l'exercice en plein air. Donc, on se donne un petit coup de pied pour y aller. Que ce soit marche, ski, patin à glace. Un de tes trois pieds. Peut-être pas demain. Bon, pour le ski puis le patin à glace, on parle pas de demain, là, on parle de peut-être le mois prochain ou en tout cas pas avant que je pose mes pneus d'hiver, s'il vous plaît. Pour jouer en fait au maximum de la lumière naturelle. Et pas puis, en retard, c'est le 15 novembre, non? Non, 15 décembre. 15 décembre? Ouais, mais c'est parce que t'es en retard dans le sens où il peut neiger n'importe quel. Ouais, puis tu peux ne pas avoir de rendez-vous. Mais j'y vais en fin de semaine. Bref, autre fait intéressant, outre mes pneus, eh bien, en fait, si tu peux pas... Hey, là, ça, c'est le fun, ce conseil-là qu'ils nous ont donné sur le site, parce qu'ils nous disent que si c'est pas possible de faire de l'activité à l'extérieur, ben, faut au moins en faire à l'intérieur. Bon. Bon. Point numéro 8. Aménager son espace de travail peut-être plus près d'une fenêtre. Là, les gars, vous pourriez ouvrir les rideaux, mettons. Ça pourrait être agréable, parce que là, il y a un petit peu de lumière qui rentre, mais on a plus des néons. S'il n'avait pas été posé par des botchers, on serait sûrement capable de les ouvrir, parce que là, je pense que si on les ouvre, on fait tomber la palette. Non, mais on serait capable de faire quelque chose. Parce que, point 9, ouvrir les rideaux et les stores pour laisser entrer le soleil, s'il fait gris dehors, éclairer la maison abondamment. Donc, voilà. Et puis, bon, si vous voulez porter des lunettes fumées uniquement si le soleil est aveuglant, c'est très important. Oui, pas en dedans non plus, parce que t'as l'air d'un maudit fanin avec ton Bluetooth et tes lunettes de soleil. Excuse-moi, justement, si tu vas avoir l'air d'une rockstar, là, ben, c'est pas le temps pendant la dépression saisonnière. Et puis, bon... Comment ça fait ça, François? Ah, c'est pas... Ah, ça ressemblait à un cheval. Hein? Attends, je vais te montrer mon mime de cheval tantôt, tu vas voir ça capoter. Ensuite de ça, ben, se coucher et se lever à des heures fixes. Fixe, c'est la chose pour notre rideau. Fixe, des fixtures. Les fixtures. Donc, évitez de rester éveillé tard le soir. Cela perturbe votre horloge, biologique et votre chronique du lendemain matin. Organisez les sorties en famille ou des événements sociaux afin de se remonter le moral. Mais encore là, il faut se coucher à l'heure fixe. Oui, c'est ça. Faut bien important. Comment? Regarde-moi pas comme ça. Bien important. Oui, bien. OK, non, c'est parce que j'avais pas compris que tu disais, je te voyais, qu'est-ce que tu me pointer du doigt comme ça. Ma graisse! Il faut choisir les personnes avec qui tu fais des activités, comme mettons, tu sais, François, pas certain que. Est-ce que je bonheur ou est-ce que je tard? Est-ce que je tard? Il n'y a pas de bonne compagnie, tu sais. Je joue à Call of Duty. Ouais, je l'ai même pas acheté. Arrête, donc. T'es sûr de te coucher de bonne heure? La semaine prochaine, je vais t'en parler, par exemple. Ah, j'ai hâte. Je t'en parlerai peut-être pas. Il y a beaucoup de filles sur Facebook qui sont en dépression à cause de Call of Duty. Hein. Ils se préparent à ne plus avoir de vie de couple. Moi, j'ai vu ça sur... C'est la dépression saisonnière. Hey, s'ils sortaient un jeu qui s'appelait Couple of Duty. Là. Ouais, mais là, c'est sûr que les filles seraient les deux yeux bien grands ouverts. Ça serait malade. C'est drôle, je te vois pas mieux quand j'ouvre les yeux grandement. Non, hey, t'as pas de lunettes cette semaine? Non. Non? Et puis c'est rare ceux qui me voient pas de lunettes, hein. On aime ça. Ouais. On aime ça. Des verres de contact ou? Pas de lunettes, excuse. Avec mes lunettes, vous êtes choyés parce que d'habitude j'y mets jamais. Ok. C'est bien rare. Bon, fait que ensuite de ça, je pense qu'on est arrivé à la fin du fond. Je pense qu'on est arrivé à la fin du fond. Ben oui là, parce que en fait le dernier conseil que je vous donne c'est de faire un voyage dans le sud, mais des fois t'as pas vraiment d'argent. Et puis il était là mon conseil, tu peux peut-être aller aussi dans un salon de bronzage, mais pas de façon abusée parce que l'orange ça vaut pas tout le monde. Oh! Fantastique! Merci beaucoup! Oui, merci, madame. Snooki. Ça fait plaisir. Snooki! Snooki! Snooki! Hey, c'est pas la fille. The Jersey Shore. Oh, wow! C'est vrai, tu ressembles. Oui. Ça, c'est chiant. J'ai écouté ça une fois, Jersey Shore, et j'ai été traumatisée Mike, de la non-galanterie des gars là-dedans. Épouvantable. Oh, tiens ton linge, je t'appelle un taxi, là, il s'en vient de pêche. Attends-moi ici, je vais aller me faire un snack. Que ce sont basés sur la vie de Mathieu Plante. À la Ben oui, Colin, je connaissais pas ce côté-là de toi, cette facette-là. Quel côté? Ben depuis tantôt, là, j'attends plein d'affaires à propos de toi. Je connaissais pas cette partie-là. C'est une rumeur qui court. Écoute, on attend que quelqu'un vienne la confirmer ou... Mais j'apprécie François qui me bâtit une réputation vraiment de béton. Béton, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Exact. Béton. Oh, bon. Chouing. Comme c'est quoi le film, là? Foxy. François? Non. Wayne's World. Oui. Ça me dit. Ah, Wayne's World. Ils font ça, les gars, là, tu sais. Chouing. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ben, c'est un beau mime, ça. C'est, c'est pas pire. Je m'attendais pas à voir ça matin. C'est pas un mime parce qu'il y a les mots. Non, mais là, je suis sûr que tout le monde fait ça chez eux. Ouais! Excellent. C'est quoi les noms, les mots qu'ils disent, là? Méga. Ouais, méga tough. Ouais. Excellent. C'est ça. Bon. C'est ça qu'ils font, mais. Hey, t'es une machine à bruit, une machine à mime, une machine à tout. Hein? Ah, ça, okay. C'est la mère à François. Un poisson. Non, c'est. Ok, parce que ça sonnait comme d'autres choses que ta mère a fait. Hein? Ah non, ça, avec ça, Mathieu. Ça, c'est pas cool. Là. Non. Alors, s'il vous plaît. Bon, on s'en remporte. Hein? Ouais, ça va loin comme ça. Hey, j'ai hâte à la semaine prochaine. Oui, moi aussi, on a toujours. Moi aussi, un jeu à capote. Oh, il y a plein de sincérité. Juste du côté de Mathieu, on dirait. Bon, fait que salut. Merci toi. D'être avec nous, Myriam. Salut. Hey, c'était ouais, une bonne dernière chronique. Donc. Ouais. Non, je reviens pas la semaine prochaine. Non. Ah, ok. Bon, ben, coudonc. Tu viendras. Adieu. On fait l'émission un jour au français, pas là maintenant. Ok, c'est cool. Ensemble. Parfait. Bon. Samedi matin, c'est ça. Ok. Clin d'œil. on va remplacer l'émission de musique classique avec nous autres. Ça va être... Question de changer pour l'auditeur, là, ça va être comme. Attends, c'était pas supposé être du classique, il parle de pénis de 8 demi-pouces. Et le vagin tire-bouchon. C'est tout ce que t'as retenu de ma chronique, toi, le vagin tire-bouchon. D'accord. Bon. Victory Dance de My Morning Jacket. On s'écoute ça et après ça, il attend dans le corridor sûrement depuis 5 minutes encore. C'est notre ami Yann Martel et sa chronique financière. Ça s'en vient. Ka-ching. C'est comme chouing. On passe du chouing au ka-ching. Chouing à ka-ching. Non? Les machines à sous, non? On parle d'argent, là. Aide financière. Non. Yann Martel. Ka-ching. Tu catching pas pendant toute la blague? Non. Oh, hey, le mime du swing de Myriam, c'est excellent. Mais oui, mais dans Wayne's World. Fais le cheval. Oui. Ben, c'est ça. Should I close my eyes and prophesize? Hoping maybe someday come. Should I whip the ground with my old tears? Crying over what's been done. Should I lift the dirt and plant the seed? Even though I've never grown, should I wet the ground with the sweat from my brow and believe in my good work? I can see potential speaking through you, speaking to you from all of heaven's possibilities. Power, hey, do you know how it works? Hey, do you know that the meek Vous êtes assez fou pour l'écouter. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à l'émission matinale en pièces détachées. Oui, François. Avec Mathieu Plante. Oui, François-Olivier Marchand, ça c'est ton nom complet. C'est long, mais il faut le dire au complet des fois. Idéalement. Idéalement. On reçoit Yann Martel qui est de retour après une semaine où il n'était pas là la semaine passée, s'en rappelle. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Il ne sera pas là la semaine prochaine non plus. Ah non, je sais, hein, je vous délaisse, hein, c'est pas très sympathique de ma part. On va profiter de toi pendant que tu es là. Bon, tu vas te faire une montée de lait, fait qu'on va ouvrir la ronde poêle, on va ramasser à gagner parce que c'est du dégât quand tu fais de la montée de lait. C'est comme... Non, mais pour vrai, en tout cas. Alors, voici la chronique financière. Yann Martel, bonjour. Bon matin, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Formidable, formidable. Donc, ce matin, on parle de quoi? D'un prêt qui a octroyé pour l'achat d'ordinateur. On va parler de... Ouais, on va se fâcher un peu ce matin. Ouais. Jusqu'à maintenant, là, on a été soft dans la chronique. T'es doudou pas mal. Ouais, je suis gentil. C'est correct. Je dis que le ministère de l'Éducation sont gentils. Tes poils de moustache poussent très, très finement. C'est tout doux. Ah oui, je Ben, il faut que ça serve à quelque chose, ce moustache-là. Ben oui. Alors, on va en profiter. On va se fâcher avec la moustache ce matin. Ouais, on va parler, François-Olivier et Mathieu, on va parler du prêt pour achat de matériel informatique qui est offert dans le cadre du programme de l'aide financière aux études. Bon, okay. Ça, c'est un prêt que ça fait un certain temps que ça existe, que les étudiants peuvent profiter une seule fois pendant leur cheminement scolaire. Ça, c'est bien. Il faut être clair. Ça, c'est clair. Oui, un étudiant qui aurait acheté un ordinateur et qui aurait profité du prêt pour matériel informatique durant son cheminement au cégep, arrive à l'université, ne pourra pas profiter. Ah, okay. Oui, ah. C'est vraiment une fois dans ton cheminement scolaire, toute étude confondue. Okay. Donc, c'est un prêt de 2000 $ qui est octroyé aux étudiants pour faire l'achat d'un ordinateur, que ce soit un ordinateur, un PC, un iPad. Mais s'il y en a, ça s'en trouvait un pour 2000 $ quoique ça a baissé un peu ces temps-ci. Ça devient plus populaire. Donc, dans ce temps-là, la demande augmentant, le prix diminue. Soit un ordinateur portable. Par contre, il y avait une certaine particularité du programme où des étudiants qui étaient dans des programmes où l'ordinateur portable était reconnu comme étant obligatoire, donc pouvaient se prévaloir de demander un prêt jusqu'à 3000 $ Donc, il augmentait 2000 $ Il augmentait 2000 $ pour faire l'achat d'un ordinateur portable pour ces programmes-là parce qu'il y avait certains... Plus performants, plus adaptés aux besoins. Il y avait deux programmes ici à l'UQTR qui étaient reconnus. Celui en pratique sage-femme, le baccalauréat en pratique sage-femme. Okay. Et le doctorat de premier cycle en médecine podiatrique. Puis on était en processus pour faire reconnaître aussi tous les programmes de baccalauréat en sciences comptables, les différents programmes de sciences comptables, ainsi... Ingénieur, non? En génie, j'ai pas eu de demande dans ce sens-là. C'est un motocal, ces affaires-là, des grosses affaires. Je sais pas. Le programme n'a jamais signifié que l'ordinateur portable était obligatoire, donc peut-être que le PC fait la job aussi à ce moment-là. Ouais. Puis il y avait le doctorat de premier cycle en chiropratique aussi qui m'avait fait la demande maintenant que c'était obligatoire d'avoir un ordinateur portable. Donc, on était en processus, puis les étudiants, ça allait bien à ce niveau-là. Et puis, le programme avait bien évolué aussi. Ça fait un certain temps qu'il est en place. Au début, on demandait à l'étudiant je cherche mes mots ce matin. Pas soumission. Exactement. Ouais. Merci François-Olivier, tu es dans le secours. Il fallait que tu sortes des soumissions? Oui, il fallait que l'étudiant, au départ, mais pas okay. Là, ça a évolué, mais au départ du programme, il fallait que l'étudiant fournisse 3 soumissions au ministère de l'Éducation. Puis là, après ça, le ministère regardait ça. C'était un long processus. Est-ce que c'est douloureux. Est-ce que c'était le ministère qui choisissait pour toi? Exactement, qui lui disait à quel endroit pouvoir se procurer l'ordinateur portable. Mais étant une procédure très lourde, le ministère a dit on met la là-dedans. Okay. Maintenant, envoyez la facture. Vous pouvez aller jusqu'à 2000 $ c'est ce qu'on vous donne. Donc, voici le prêt de 2000 $ Par la suite, vous nous faites parvenir la facture avec le nom de l'entreprise. Il faut que l'entreprise soit établie au Canada. Okay. Au Québec même, pardon. Il faut qu'il y ait des bureaux au Québec. Et aussi, il doit avoir le nom de l'étudiant qui apparaît sur la facture. Souvent, les étudiants allaient dans des commerces où ils recevaient une facture un peu bizarre et puis il n'y avait pas leur nom qui apparaissait dessus. Puis tu sais, quand tu sais pas... quand tu le sais pas, t'envoies une pièce justificative au ministère, puis finalement, oups, ça fonctionne pas, ça passe pas, tu te demandes pourquoi. Mais puis finalement, c'est ça qui était le problème. Donc, ça allait quand même assez bien, ce programme-là. Par contre, il y avait eu des recommandations qui avaient été faites au ministère parce qu'il y avait certains programmes qui disaient, ben nous aussi, on aurait besoin de prêts supplémentaires pour faire l'achat de certains matériels, qu'on pense aux étudiants en art ou dans d'autres programmes qui avaient besoin d'autres sortes de matériel scolaire. Alors, il y avait un comité qui avait suggéré au ministère de l'Éducation, ben, ça serait le fun que dans l'aide financière, il y a aussi un prêt qui soit fait sous une forme de forfaitaire qui soit remis à ces étudiants-là pour profiter du matériel scolaire. Et voilà, maintenant, c'est là qu'on fait la montée de lait. Ben, le ministère a écouté. Il a dit oui, très bonne idée. On va mettre en place ce nouveau prêt-là. Et ça, ça a été annoncé il n'y a pas longtemps dans les nouvelles mesures de l'aide financière. Mais suivez-moi bien. Au départ, le ministère de l'Éducation a présenté les nouvelles mesures de financement des universités, les nouveaux plans de financement, où là, il parlait justement de la hausse des frais de scolarité. Mais c'est ça, pour s'ajuster à la hausse et des voilà, frais de scolarité. Qu'il allait remettre aux universités à travers la hausse des frais de scolarité, qu'est-ce que ça allait représenter. Et ils ont présenté aussi les nouvelles mesures de l'aide financière qui va s'ajuster et qui va permettre aux étudiants d'arriver financièrement. Alors, nulle part est mention de la disparition du prêt pour matériel informatique dans ça. Et là, finalement, on nous présente quelques semaines après les nouvelles mesures d'aide financière bien détaillées. Et là, en petite ligne, en petit caractère, apparaît la nouvelle mesure, un prêt de 150 $ par session qui est remis aux étudiants pour profiter de matériel scolaire, matériel didactique. Mais, oups, disparition du prêt pour matériel informatique de 2 000 $ et de 3 000 $. Donc maintenant, ben voilà, tout ce qui reste aux étudiants, c'est 150 $ par 4 mois, donc par session, pour faire l'achat. Quelques crayons plomb. Ben oui, des effaces quand même, de la gommette. Rapportant dans le... Un compas aussi. Un compas. Donc, c'est très, très, très décevant. Mais, oui, dans un sens, c'est bon parce que ça permet à des étudiants de d'autres programmes de recevoir des prêts supplémentaires. Mais par contre, dites-moi qui peut acheter un bon ordinateur portable à 150 $ à part dans les boutiques de prêts sur gage. Et encore là, est-ce que... Même là, ouais. Et d'autant plus que c'était un prêt, donc il était remboursé par les étudiants. Exactement, donc, le gouvernement perdait pas d'argent avec ça. Ne perdait aucun argent avec ça. C'est certain que, bon, il y a eu de la pression dans le sens qu'il faudrait pas que les étudiants s'endettent davantage, tout ça. Et la prétention aussi de l'aide financière du ministère de l'Éducation, c'était de dire, ben, de toute façon, les étudiants, quand ils arrivent à l'université, ils ont déjà un ordinateur portable. Oui. Ben oui, voilà. Tout le monde, voyons-le. Ah, tout le monde a ça. Tu viens au monde avec ça. Oui. Ils disent pas déjà couper le portable, là, tu peux garder ton portable, c'est à la place de couper le nombril, je pense que c'est rendu ça. Ouais. Donc, c'est très, très, très décevant. Alors, moi, le message que j'ai à donner aux étudiants, c'est pour ceux qui n'ont pas profité encore de ce prêt-là à travers leur cheminement et qui sont sur l'aide financière aux études, profitez-en cette année. Oui, Ça se termine le 31 décembre? Non, ça va se terminer à la fin de l'année d'attribution en cours, donc au mois d'août. 2012. Voilà, alors vous avez jusqu'au mois d'août 2012. Okay. À partir de septembre 2012, donc pour la prochaine année d'attribution, la prochaine année où vous allez recevoir de l'aide financière, ça va être le prêt de 150 $ par 4 mois. Donc, si vous n'avez pas profité du prêt pour achat de matériel informatique, c'est le moment de le faire parce que ça disparaît l'an prochain. OK. Et puis, est-ce qu'il y a eu d'autres aussi coupures qu'on n'était pas au courant? Non, sinon toutes les autres mesures qui avaient été annoncées dans le plan du financement des universités ont été annoncées dans les mesures d'aide financière. C'est celle-là qui est maquillé par l'aide financière. C'est un peu décevant parce que ça va toucher beaucoup d'étudiants, notamment, je pense entre autres aux étudiants en sciences comptables. On était vraiment en processus. Souvent, les gens qui s'inscrivent dans les certificats pour commencer puis qui s'inscrivent dans les bacs par la suite, c'est des gens qui arrivent du marché du travail, qui n'ont pas nécessairement d'ordinateur, qui ne sont pas dans un processus scolaire. Lors de la journée d'accueil des étudiants en sciences comptables, j'en rencontrais beaucoup justement qui avaient soit perdu leur emploi ou qui quittaient leur emploi et qui désiraient aller en comptabilité parce qu'ils voyaient quand même qu'il y avait des bonnes possibilités d'emploi. Oh yeah. Puis là, ils me parlaient tout. Oui, je vais avoir le droit à un prêt pour m'acheter un ordinateur parce que j'en ai pas. Et le programme exige un ordinateur portable. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants qui profitaient de ce prêt-là. Puis là, ça va disparaître. Alors, mes chers amis, profitez-en. C'est cette année. Mm-hmm. Bon, ah, conseil, c'est plate. Ça. Ouais. Ben voilà. Puis en même temps, c'est peut-être aussi de mentionner, vous savez, il y a des représentations qui vont être faites au gouvernement pour la hausse des frais de scolarité, tout ça. Ben peut-être que les étudiants pourraient inclure ça aussi leur représentation. Ouais. Ça serait bien. Pour arriver structuré puis arriver vraiment avec des points de négociation, ça serait de dire, ben attendez, là, pourquoi vous coupez ça? En ben oui, voilà, exactement. Il n'y a pas de but. Ben c'est certain que ça va représenter. Puis comme on disait, ce qui est dommage, c'est que c'est des prêts. Veut pas, l'étudiant rembourse ben oui, ce montant-là à la fin de ses études. Donc, il n'y a aucune raison de. Et même s'il déclare faillite, c'est un prêt qu'il va être obligé de rembourser. Ben oui, maintenant, donc, oui, même avec la faillite, on ne peut pas se dégager de sa dette d'aide financière. C'est ça, exactement. Donc, ils sont sûrs de ne pas perdre d'argent. Ben voilà, exactement. Ah. Donc, il aurait dû, oui, c'est bien la nouvelle mesure de 150 $, mais ne pas retirer l'autre quand même. L'ajouter, ça aurait été beaucoup mieux. Et voilà. Merci beaucoup, Yann Martel. Ça me fait plaisir, messieurs. Et puis, la semaine prochaine, je vais continuer à me faire pousser la moustache. Ça, on n'a pas parlé de ta moustache. C'est réussi pas mal, ta moustache. Oui, c'est le look Frank Zappa. Ouais, ça va bien. Ouais, François, c'est contraire. Toi, t'as la poignée. Oui, François-Olivier, lui a plus le fer à cheval. C'est ça, il a enlevé le milieu alors que toi, t'as gardé ton petit... Je trouve ça cute. Oui, c'est ça. C'est, ouais. On a, moi, c'est juste ça. C'est pour ça que tu dis que c'est cute. Hein? Parce que tu le vois sur moi, tu fais comme moi, c'est dans mes cute. Ouais. Ma tâche de sauce soya, elle partira pas avant un petit bout. Il va falloir frotter fort. Ouais, ça pousse pas. Mercredi prochain à 8h30 pour notre chronique de Yann Martin. Merci beaucoup. Ouais. Ben, ça me fait plaisir, messieurs. Et nous, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, François. Pierre de Gosse s'en vient, donc on va fermer ça. Parfait. Cette affaire-là, démission. Ouais, on ferme boutique. On revient demain en force, par exemple. On fait faillite, mais on rembourse nos prêts étudiants. On n'a pas le choix. Pas le choix. Demain, l'émission, Simon Fitzbé. Avec sa chronique Phénomène à 8h. Et François Landry nous parle de politique. Ouais. Oui. C'est à peu près l'émission de demain, ça va être bon, ça. Oui. Tout le temps bon jeudi. Ah, c'était avec les gens sont aussi. Bons, arrête donc. Les lundis particulièrement aussi. Je vais venir les jeudis. Viens, tous les jours. Tout le monde pourrait venir à tous les jours. On pourrait faire l'émission de 6h. Ouais. L'Inoléum de Dumas va terminer l'émission. Restez sur nos ondes, comme je disais, SPM de gars avec sport, politique et médias. Ça s'en vient à 9h. Exactement. Ensuite, à 10h, à l'émission des sages-femmes, connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 11h, sera le dîner de cons. En après-midi, si vous avez raté la spirale ou catalepsie, ça va rejouer. On revient en direct à 16h avec 6 degrés, l'émission de Kim Bergeron sur la musique émergente. Rap Contact, ensuite, va débuter le bal du rap. Ça se dit pas vraiment, mais bon. Rap Contact à 17h et Où c'est blanc, Où c'est noir à 19h. Et on va terminer en trance avec Psy TR à partir de 21h. Passez une excellente journée, François. Merci, Mathieu. Merci à Anne Martel. Merci à Myriam Fugère. Merci à tout le monde. Finalement. Merci à toi. Ah ben Colin. Hey, t'es fin avec moi. Hey, c'est toujours fin. Ça me donne envie de ranimer avec toi demain. On va essayer. Tu vois, il prend son temps. Je pense qu'il tune sa guitare. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y donc. Dis-moi. Joue donc. Hey, il supplie, hein? Dis-moi. Hey, dis-moi, réveille. Je pense que lui, à 9h, c'est encore trop tôt. Ouais. Ben écoute, okay, on pourrait passer un autre appel. Ouais, c'est ça. Attends, non, je pense qu'on va l'avoir là. Dumas? Dumas? Énorme, allô? Dumas. Non, moi je pense vraiment qu'il dort là. Ouais, je pense que oui. Ok, on va y aller avec du cœur de pirate. Moi, c'est ce que je voulais faire à la base, donc on va aller entendre sa pièce Adieu. Je sais que c'est pas une nouvelle pièce de son album, on aurait pu se gâter avec une nouvelle pièce de l'album Blonde, mais voici Adieu de cœur de pirate tout de suite à Assemblage Requis. Puis SPM de gars suivra là. Eux, ça va marcher, sûr. Ça marche tout le temps à l'affaire, c'est tellement professionnel. Il n'y a pas de musicien dormant là, dans le coin. Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. L'amour, le manque, la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'as. Le menace de partir. Parce que je hurle quand tu chantes. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre. Rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi, je me